commencer, ça va. Ce soir, je vais en club libertin, ça va être bon. Bonsoir, mon JB du Nord. Ah, la chance. Ouais. Voilà, vos dédicaces, elle commence par Guillaume, le message, le texto. Vous m'envoyez un texto, vous commencez par Guillaume, sinon il n'arrivera pas dans le studio. Et vous me l'envoyez au 6, 11, 12. Voilà, si vous voulez faire une dédicace là. Achète-lui rien, merci beaucoup. dis-lui un god, salut Romain, bon courage aux agents de sécurité. C'est parti pour 12 heures de travail. Bonsoir, Alexis du 72. Une idée de petite surprise pour sa copine. JM du Standard, est-ce que t'es du genre surprise? Pas trop. Franchement, pas trop, mais c'est après, vrai, ouais. Ouais, faut savoir en fait ce qu'elle veut, selon son envie du moment. Moi, ce qu'elle veut selon son envie. Ah, ah, oui. On dirait un joueur de foot. 22h12. Bah, c'est vrai, je suis philosophe. Bah oui, c'est vrai. Ça rassemble bien pour que ce qu'elle veut. Bah oui. On dirait Ribéry, j'ai attends, et toi tu disais que tu serais capable s'il y avait un jour une pareille, là, ça s'appelle des trucs, une conférence de presse, tu serais capable de sortir des saucisses comme lui. Hein, ah bah c'est sûr. Ah non, mais ah bah oui. Du standard. Ah oui. C'est le roi de la saucisse. Il y a pas de souci. Vas-y raconte alors. Non, en fait moi la dernière fois j'étais avec une fille et je savais qu'elle voulait un parfum, donc en fait elle est partie dans une parfumerie et quand elle a choisi le parfum c'est moi qui l'ai payé en fait. Je lui ai fait un petit cadeau comme ça. Oh là là, mais que c'est romantique. Là c'est romantique, c'est standard. Et tu m'as mis une claque. Mais je savais pas quoi lui prendre, c'est pour ça. Tu vas pas prendre un habit ou un truc comme ça. Bah si. Ah non, les habits, sa taille. Non, les habits, c'est un peu. Non, il a raison. J'ai mis ça. Il a raison. Mais moi, j'ose des fois. Pour les habits, tu devrais peut-être pas oser, je te dis. Parfois, il y a des filles qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Par exemple, je sais que c'est très rare qu'on m'ait acheté un vêtement qui me plaise vraiment. Moi, je préfère vraiment choisir moi-même. Les vêtements, ça se porte, ça s'essaye. Ouais, mais elle te connaît. À chaque fois, j'arrive au Noël et tout. Bon, il y a famille, m'offre un t-shirt un peu trop grand, un pull un peu trop court. Tu vois. Puis alors, tu dis, ah, c'est super. Dans ta tête, tu dis putain, comment je vais faire. Ouais. Non, c'est vrai, hein. Ouais, oui. On t'a déjà offert des vêtements dégueulasses. Ouais, ça arrive. Ouais. C'est vrai, tes parents Des potes et des parents aussi. Des potes, ouais. Ouais, la famille aussi. Là, les parents, il y a un moment où tu passes un âge tu sais... où ils te prennent encore pour un enfant. Ah ouais. Et tu leur dis attends, papa, maman, je mets plus ça. Bah, qu'est-ce que tu as, t'as pas ton plus. Ça change bien, Snoopy. Grave. C'est compliqué. Et quand tu déballes le cadeau, t'es obligé de pas le montrer en fait. Ah ouais, c'est super. C'est là que t'apprends à jouer. C'est là que t'apprends à jouer. T'étais magnifique au Brésil, merci beaucoup. Salut Guillaume, dédicace à ma chérie Lison que j'aime faire. Bonsoir John de Bordeaux. Salut. Il peut acheter une smartbox mais ne rien dire à sa copine et faire genre de lui payer un super week-end. Salut Renard du 18. Salut Renard, ouais. Oui mais bon, c'est à dire que si t'achètes la smartbox t'as plus le budget s'il a 60 euros. Hein. Bah ouais. Voilà, faut trouver. Je viens stagiaire, est-ce que t'as une idée de petite surprise à faire en couple quand t'as 60 balles? Bah faire un dîner en fait. Moi en fait j'étais avec une fille qui me traitait un peu d'incapable parce que je foutais rien à la maison, je foutais pas la cuisine. Elle te connaissait très bien. Et justement ma surprise a été de lui faire un dîner un peu romantique avec des bougies venant de moi pour c'était un peu inespéré tu vois. Un appartement. Ouais, avec de la musique elle attendait. On fait tourner les serviettes. Bah, non. Je l'ai guettée jusqu'à ce qu'elle arrive chez moi, j'ai mis la musique à fond avec l'enceinte et elle a rigolé, elle était émue et j'ai fait qui était au courant. J'ai fait une mise en scène avec des bougies. Il a mis la vieille chanson. Oh, oh, oh, non, j'ai mis une musique genre Whitney Houston, Maracaré. Ça. Ouais. Oh là là. Oh la c'était un peu kitsch mais la meuf elle était contente. Il attendait comme ça en stream, j'ai stagiaire. Non mais j'étais mal habillé. Avec un cigarios. Non mais je fume pas mais. Je suis allé faire des courses et Et t'as acheté quoi alors si tu sais pas cuisiner? Alors des coquilles Saint-Jacques chez Picard. Ah. Alors si je peux te permettre, ça coûte 15 euros, il y en a deux. Ah ouais, putain, c'est cher. Ouais, mais pour 60 euros, j'avais mis 50 euros de budget quand même. Cher. Ah oui. J'avais pris les desserts, des petits canapés sucrés. C'était dans les 5-6 euros, c'est pas trop cher. Mec, il se rappelle des prix. Ah, ouais. Et parce que c'est parce pas 15 balles de. Si, c'est 15 balles. Les coquilles Saint-Jacques, ouais. C'est super cher. Ah bah c'est cher les coquilles Saint-Jacques. Ouais, je sais. Non, mais normalement. Toi, tu parles des coquilles Saint-Jacques avec déjà préparées à l'intérieur. Ah ouais. Ouais, ouais. Tu mets au four un quart d'heure et four à micro-ondes et c'est bon. Et micro-ondes, tu fais ça? Non, mais j'ai un four micro-ondes. Non, mais ça se fait au grill. Oui, j'ai un grill micro-ondes. J'ai les deux, tu sais. Donc j'ai mis ça. Et après, par contre, le plus cher, c'est le champagne. Ah. Donc ça m'a niqué le budget, mais bon, bonne soirée sympa avec les petites bougies à 1 euro. Non, mais vous avez mangé deux coquilles Saint-Jacques? Ouais. Non, c'est la façon de le faire. Pas d'entrée, pas de. Mais attends, mais vous avez mangé quelque chose avec les coquilles Saint-Jacques quand même? Bah non, enfin, tu y a quoi? Les tu coquilles. Du champagne. Quand tu manges pas ta coquille. Je l'ai payé la coquille. Je l'ai payé, toi, à manger. Bah, en tout cas, là. Je vais être violent, je vais m'énerver. Non mais t'es pas sérieux. Bah si, elle a rien dit la fille, ça l'a pas choqué. C'est pas vrai, j'espère. C'est pas vrai. T'as pas bouffé une coquille Saint-Jacques en personne. C'est pas un repas. Mais si, il y a de la sauce, il y a des champignons dedans, il y a plein de trucs. C'est. Non, mais je sais très bien. Voilà. Moi, j'en mange au moins 4 tout seul. Ah bah non, j'en ai une par personne, donc on était deux, le champagne et puis les desserts. Non mais il est où? Il faut des féculents, enfin des meufs, du riz avec. Bah je sais pas. Non mais tu peux pas. Non mais t'as deux cuillères. Vous avez fait McDo après, c'est pas possible. Non mais c'est une soirée. T'as déjà fait. Il y avait des chips tout ça pour l'apéritif. Attends, le champagne était très bon, il était très cher. Il a quand même commencé par c'est mon repas le plus sexy. La meuf elle a kiffé. Tu t'es cru avec des poteaux à Saint-Tropez à Marseille. Tu déballais le. Non mais de base je suis pas comme ça, donc la meuf elle a kiffé. Non mais d'où t'es pas comme ça. Tu parles de chips, c'est pas sexy. J'ai mis dans un petit ramequin une petite assiette les chips et les flûtes de champagne que j'avais achetées. Ça s'appelle un apéro entre potes. Mais j'ai mis ça bien avec des. Moi je suis plus sexy quand je fais un apéro. Bah oui. Ah ouais, obligé. Ah bah non. J'ai mis des bougies. Donc en tout cas elle a kiffé. Eh ben, écoute, on est content de le savoir. Voilà, merci beaucoup. Si je peux aider. Non, c'est totalement vrai. Parce qu'il y en a qui peuvent croire que j'ai stagiaire en rajoute. Non, mais je connais un petit peu cet homme. Et c'était un budget la soirée quand même. En plus, ils ont dû manger avec des couverts en plastique, non? Parce que je crois que tu n'utilises que des couverts en plastique, je suis un stagiaire. Ouais, mais ça, la fille, elle est au courant. Oui, mais ça. C'est quoi cette soirée de merde? Ah, c'est vrai? Non, mais oui. Ah, mais ça, par contre, les filles, quand. C'est vrai. Et tu buvais dans quoi? En fait, j'ai acheté des gobelets, genre soirée américaine, c'est des gobelets rouges ou bleus. Sexy. Et puis j'avais acheté des flûtes aussi pour l'occasion, pour le champagne. Pour en plastique, mais des vraies flûtes. Il y en a des belles. Mais si, parce que je m'en fous des flûtes. Sinon. Non, mais tu peux pas quand même. Tu peux pas juste dire ça et être sérieux. Mais c'est mieux que d'aller au McDo ou dans un restaurant. Je suis pas sûr. Alors moi, je préfère qu'une meuf m'invite à manger au McDo que de me faire avec des couverts en plastique. Je suis au micro dégueulasse. C'est le je te jure, je prendrais plus de plaisir à bouffer. Non, c'est méchant. Non, mais attends, mais il y a rien à bouffer. Saint-Jacques. C'est pas ça c'est magnifique. T'as déjà fait un repas sexy comme ça, une fille un peu romantique? Ouais, j'ai dû faire, mais genre. C'est pas fameux non plus. Il se foutait de la gueule de Jésus. Non, moi j'ai 2-3 trucs, je fais le tartare saumon avocat là, tu sais. Ce qui est magnifique, hein. c'est qu'à votre âge, il y a des mecs qui ont déjà 3 enfants. Ah bah oui. Ils mettent une maison. Et Jim Sona, il fait un seul plat, c'est le tartare avocat. Je fais la tarte à la tomate aussi, Guillaume. Ah. Tarte à la tomate. T'as un four, t'as juste ça. C'est très bien. J'imagine même pas la gueule du four. J'ai rencontré Jim Sona, il pouvait plus fermer son frigo. C'est moi qui avait de glace dans le freezer. Ça, c'est vrai. Et il pouvait rien mettre dedans. Non, mais c'est arrivé il y a pas longtemps, ça. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est dans un état. Non, ça va. J'aime du standard, il prend soin que de ses cheveux. C'est normal. Et l'appartement, mais pas du frigo. Ouais. Ah, pour manger, c'est important. Est-ce que pareil, comme JM du standard, comme j'ai un stagiaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme tout le monde, de faire une surprise en couple pour un budget de 60 boules? Genre, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à faire une bonne petite surprise? Guillaume et votre message au 6-11-12. Allez-y, maintenant, je vais vous prendre à l'antenne. On est à la cool vendredi soir, on est en direct, il est 22h19. Guillaume, au début du texto, un espace, vous marquez votre histoire en une phrase avec votre numéro. Genre, il m'est déjà arrivé ça, appelle-moi. Vous mettez votre numéro et vous me l'envoyez au 6-11-12. Maintenant là, je suis derrière le standard et je vous rappelle maintenant sur Énergie après MHD. À quelle Anita, on se l'égale maintenant sur Énergie MHD. Et le standard qui est gratuit d'ailleurs. Ouais, venez. Bien fixe, 0870-42-48. Les pas d'inquiétude, c'est sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir c'est ton jour, la danse peut démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Vois le bonheur dans vos yeux, plus le courant de retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. La danse va démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux, tu ne pourras le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Tu l'as choisi, elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi, c'est à t'estimer, à quel endroit. Ce soir c'est ton jour, la danse peut démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand.

monde est réuni dans Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, de retour et juste après on scalera la Bruno Mars et Soprano. Le double 8 il arrive après là dans 2 minutes. Soprano en feu enchaîné avec Marina Key et Soprano sur Mont Everest. Fait en live ce morceau. Attends, il est où? On est prêt, on est prêt. Voilà, il l'a fait en live. Ah ouais, c'est énorme. Tout le monde au moins danser avec des épaules du vent. Écoutez l'ambiance qu'il y avait hier. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir, tout me souvient, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le gros gamin ce soir, je suis prince de la ville. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus. Mêle-moi les paradis. Je suis en feu. Je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Je suis en feu. Le sol s'allume, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. Le DJ me fait poser boum dans la lucarne. Je suis en feu. Sors de la piste, fais le grand écart de vantage. Non, mais tous les ah, en fait, on vient pourri de live. Non, pas pourri. Ah, si, si, moi, quand on l'a accompagné, je suis pourri de live. Ça... Toi, j'aime ça, tu chantes juste, là, on l'a entendu. Ah, bah oui, mais, merci. J'essaye. Putain, c'est énorme. Alors, on va réécouter deux extraits, on a trop rigolé. On a même fait les cagoles avec Soprano. On peut faire l'interview cagole. Ah, ça, c'est bien. Ah, ouais. Non, mais moi, je vais faire la cagole crapuleuse. C'est-à-dire, je vais mettre le truc et je mets la casquette par-dessus. Attends, ah, bah, c'est pas grave. Attends, je mets la casquette. Ah, trop rigolé hier soir. Et alors là, on a fait, on se racontait un petit peu les belles surprises, voilà, qu'on peut faire à une fille et tout ça. Toi, ça fait un an que t'as avec ta nana, Rémi, et résultat, tu voulais un peu savoir trouver un truc pour ta meuf et lui faire un beau cadeau. Pas forcément un beau cadeau, c'est à 60 euros, mais lui faire un truc qui lui ferait vraiment plaisir. Un beau geste. Genre une sortie, un truc comme ça, tu sais pas trop quoi faire. Julien Stagiaire, il faisait un repas. Un dîner romantique, surprise. Alors, tu nous as raconté que t'avais fait un repas un peu romantique et tout ouais, ça. Ouais, avec des coquilles Saint-Jacques achetées chez Picard. Ouais. Voilà. Et du champagne et des desserts, voilà. C'est très bien. Et voilà, avec des couverts en plastique. Ouais, parce que chez moi, j'ai que ça, donc l'habituel à la fille, donc c'était pas une surprise. Hein. Non, mais ça lui a fait plaisir quand même ou pas? Bah oui, c'était un beau geste. Bah, elle m'a fait des bisous et puis on a fait plus après, donc c'était cool. J'ai eu ce que je voulais. On a fait plus. Bah après, c'était forcément, voilà. Ça faisait combien de temps avec 4-5 mois. Ah bah oui, donc c'est. Mais bon, là, c'est déjà chez moi. C'est normal de faire un petit peu autre chose. Bah, j'avais surprise quand même. Le stagiaire a mis comme serviette au repas du Lotus papier cul. Il a mis deux trucs de PQ. Non, j'ai acheté des serviettes. On se séchait la bouche. Attends, t'es à l'antenne, mon Rémi, quand tu parles derrière. Allô. Ouais, en fait, que tu parles, on t'entend là. T'es en famille ou quoi? T'es avec des potes, tu fais quoi? Ouais, je suis en famille, je suis avec un pote là. Ah, très bien. En famille, c'est pas une chose. Ouais, ouais. Ah non, tu sois pote avec ton frère. Ouais, bah, c'est possible. Oui. Et on cherche une idée pour 60 boules. Il y a Julien qui vient d'appeler pour toi là, justement, Rémi. Tu m'entends, Julien, en standard de Valenciennes? Oui, je vous entends. Oui. Ça va, mon jus, tranquille. Salut. Salut. C'est qui, papa? Ça va ou quoi? Enchanté, hein. Julien, 30 ans. Qu'est-ce qui t'arrive, mon jus? Bah en fait j'ai fait une demande bah, particulière à ma femme. Tu peux enlever le haut-parleur, Julien? Bah pourtant j'ai pas le haut-parleur en fait. Ah, je suis ouais. dans un appartement donc. C'est un meuble. T'as pas de meuble. T'as pas un écouteur? Non, pas du tout. Non, ah ouais, c'est juste le son. Ouais, Parle plus près. Ouais, parle près du téléphone, faut mets ta main devant la bouche comme ça, toi. Hein. Ça va comme ça? Non. Non, c'est encore pire, c'est encore pire. On va retrouver Lydie, qui a eu le droit à une petite surprise. Elle va nous raconter. Tu vas nous raconter, tu m'entends Lydie? Oui, j'entends. Vous êtes hyper nombreux à appeler. Hein. Julien qui appelle Lydie aussi, 25 ans, de Meaux, là, dans 77. Ouais. C'est combien de temps que t'es avec lui, toi, avec ton chéri? Moi, ça fait 4 ans. Ah ouais, putain, mais toi, t'es... C'est sérieux, là. Ah, toi, t'es vieux de la vieille, le couple. Ah bah ouais, on a un petit bébé ensemble et tout. Ah putain, trop bien, bravo. Comment il s'appelle La puce, elle s'appelle Roman. Roman. La puce. Qui est très bien. Ah, la petite puce. C'est marrant, les puces. Ah ouais, c'est trop bien. Elle a trop de chance. Ah, c'est beau. Elle est jolie, Roman, elle est jolie. Ouais, elle Tu peux pas dire que t'as... Tu peux dire que ton bébé est moche. Après, les bébés, ils sont moches quand ils naissent, franchement. Il y a des bébés qui sont moches et qui deviennent très très beaux. Oui. Moi, je me suis vu en photo, j'étais chum. Il y a des gens qui changent pas. Non, non, non, non, non, non, non, non. Non mais un bébé c'est pas beau, excuse-moi. Non, franchement c'est pas bien, c'est pas. Ah, t'aimes pas les bébés toi. Ah non, ma sœur elle a accouché deux fois, ma sœur. Elle me les a mis dans les bras, je fais putain, c'est frippé. Je sais dire un jour il aura un enfant, il dira bah elle est pas beau. Ben ouais, non mais quand ça sort du ventre dans la rue elle est pas belle, elle est pas comme ça. Mais faut être objectif. Attends, si tu la trouves moche. On est deux la trouve moche. Il va te ressembler le bébé. Je sais dire, c'est un tuche parfois. Ah ouais. Non mais l'enfant c'est beau. Oui, c'est mignon. Mais physiquement l'esthétique c'est pas joli. C'est quoi la différence entre être beau et l'esthétique? Non mais c'est mignon parce que ça a des petits doigts, il y a des bouches, ah moi j'adore les bébés. Bah oui. Oui oui. Oh là ouais, putain, je trouve attends non, c'est vachement mignon. Excuse-moi, quand ça sort du ventre, ça a du sang, le placenta. Ah non, non, bah ça, c'est sûr. Chum. Attends, ouais, je pense que tu regardes pas ça quand il sort ton fils, tu fais oh putain, c'est mon enfant. Il a la peau rouge. Pour toute ma vie, ce sera mon fils, c'est dingue. Il est à toi. Tate, je te jure. J'ai du sang d'art. J'inverse les prénoms et tout. Ouais, mais après il faut s'en occuper, c'est ça qui est dur. Bah oui. Il y a un peu de travail. Voilà, c'est ça. Mais le travail, il est moins à l'aise. Un peu plus qu'avant en fait, j'en ai hâte. Ah c'est vrai. Vraiment pas envie, mais là voilà, autour de moi mes potes ils commencent à en avoir des enfants donc ah voilà. Ouais, ah, mais je vais pas lui mettre dans le cul, tu auras des... On peut y aller les 22 ah, semaines. Ça fait 4 minutes qu'on a le droit de faire ça. Bah c'est pour ça que je lui mets là dedans en fait. Non, putain, pas en avoir justement. Pourquoi t'es grand? C'est toi qui me lances, c'est Guillaume. Mais oui, mais moi j'ai le droit. C'est pas lourd, moi je fais une vanne, mais après c'est quand tu en chéris dessus. C'est ça qui est bon. Quand je lui mets là-dedans. Quand je lui mets là-dedans, Guillaume. Ah, le bouchon. J'ai tout mis. Il est tout au fond. Ouais. Bon, allez, alors Lydie, un mot. Alors, oui. Ton mec, tu l'as rencontré comment il y a 4 ans, genre là? Bah, en fait, on travaillait ensemble. Ah ouais, d'accord. Ouais, on était collègues et puis bah. Vous étiez collègues où? Vous faites quoi dans la vie? Moi je suis serveuse et lui il était cuisinier. D'accord, dans le même resto du coup. Ouais. Et il t'a pécho, vous avez Ken non, dans le resto? Non, c'est moi. Oh, c'est toi qui l'as pécho? Ah, c'est rare ça. C'est moi bien. Qui l'ai dragué, ouais. Pourquoi? C'est moi qui l'ai dragué. Bah, en fait, je sais pas, quand je suis arrivée au boulot, bah, lui il était déjà là. Et bah, j'ai un peu flashé sur lui et puis bah, j'ai tout fait pour l'avoir et puis je l'ai eu. Ah ouais, voilà. C'est génial, ouais. Ouais. Félicitations. Et puis ça fait 4 ans que ça dure donc. Ah, c'est vachement bien. Que du bonheur. Non, c'est bien. Et vous vous lassez pas, genre au bout de 4 ans, t'as pas un peu de lassitude avec lui? Non, franchement, bon, il y a eu des hauts débats, mais franchement, non. Ouais. Non, il a un caractère de cochon, genre un peu relou. Ouais. Un peu c'est vrai, ouais. Mais tout le monde est relou en fait. Ouais, bah, non, il y a des gens qui sont plus faciles à vivre. Ouais. Tu crois vraiment? Ah ouais, au quotidien? Oh là là, il y a des gens qui sont bipolaires, c'est dur. Ah ouais. Ah, moi je suis sorti déjà avec des filles, franchement, voilà, des tornades. Hein. Ah, tu les gardes? Je suis sorti avec des filles très agréables. Non, mais vraiment. Tu restes pas. Après, tu les aimes plus des fois, les tornades. Bah, en fait, je suis sorti avec une fille qui était pas jolie du tout, mais qui était super à vivre, quoi. Je me disais, putain, si elle avait été belle. Ouais, mais c'est les vaches. Je serais resté avec. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, il y a un truc qui cloche. Il y a toujours un truc qui cloche, quoi. Je suis resté une fois, il avait une meuf magnifique en plus, gentille, belle, attentionnée, mais elle avait une énorme. Allez, du coup, il est pas resté. Mais non, n'importe quoi. C'est vraiment. Alors, attends. Alors, salut, wesh, Guillaume, bien l'émission, on t'écoute dans la hiérarchie. Salut Ludo et l'école d'infirmiers. Salut, bonne route. Salut les écoles d'infirmiers, beaucoup. Ah, blanche. Bubblegum, gros et tout mou. Booba, booba, qui fait grosse bulle. Qui et puis qu'a du goût. Booba, booba. Ça va vraiment faire du bien de vous écouter. Ma grand-mère est décédée aujourd'hui. Vous me remontez le moral. Je vous dirai jamais à quel point vous êtes les meilleurs. Gros bisous, Fanny du 59, qui est là en plus régulièrement. Bon courage. On est là dans les bons comme dans les mauvais moments, ma chienne. Donc gros bisous à toi, toutes nos condoléances. Gros bisous à toi qui viens de perdre ta mamie. Gros, on t'embrasse très fort. Et puis si tu veux passer, t'es à la maison ici. Hein. Tu sais, comme vous tous d'ailleurs, tous leurs fratés. Bonsoir à vous, Dylan et Ludo. Donc vous pouvez y aller. Guillaume et vos dédicaces à l'antenne au 611-12. Vous êtes à la maison. On va se faire un double hit avec Soprano. Ouais. En feu, enchaîné avec l'Everest. Le nouveau extrait de l'album hier. Il est venu le présenter son album. Il est sorti à minuit d'ailleurs. Et ouais. C'est un carton l'album de Soprano. Il est énorme. Ouais. Il est énorme. Et j'ai vu qu'il était déjà en top des ventes et tout. C'est un truc de ouf. Je sais pas si t'as vu, j'ai me sens. Non, j'avais pas vu. Mais bravo quand même. Et bah, le poteau. C'est vrai qu'on fait rechercher. Ouais. Bah, il y a Soprano qui apparaît. Ah ouais, PNL, Black M, Soprano, Julien Doré. Julien Doré, il est où le bonheur? Voilà, il est où le bonheur? Putain, il est encore en top recherche. C'est vrai? Elle marche bien la chanson. Ouais. Attends, mais il est où le bonheur? Il a dû en vendre un peu. Tout le monde la connaît là. Elle est à combien? Il est où le bonheur là? Attends. Je l'ai en plus. Moi, je l'ai acheté, c'est pour vous dire. C'est vrai? Attends, il est où le bonheur? Il est où? Avec sa petite voix cassée là. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Bon là je le mets sur mon portable donc le son est pas bon mais... Attends ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Ah merde. Attends, ça s'arrête plus. Mais pause. Attends mais j'ai tout fermé pourtant. J'ai tout fermé. Il est pas Christophe Maé, t'as vu, il reste encore. Baisse le volume. Je... Appuie à fond dessus. Non mais je... Il y a un bug, c'est tout. Je vous jure. C'est vrai. Je n'ai plus aucune appli ouverte. Mais ça me le fait aussi. Je n'ai. Appuie dessus sur le en haut. Sur le bouton non. Non, mais ça y est. Regarde, il n'y a plus d'appli fermée. Je te dis, attends, et même en bas, regarde, il n'y a plus la musique. Il ne veut pas partir, mais. Non, mais attends, mon iPhone, il a bugué avec la musique. C'est iOS 10. Il est où le bonheur, bah? La pub forcée. Je vous jure que c'est vrai. J'ai toutes les applis. Non, mais j'ai toutes les applis fermées. Faut que tu l'aies. Mais attends, comment je fais pour le couper? Attends, je les laisse enfoncer. Tu vas mettre deux doigts en bas. Attends. Trichante encore. Ah, c'est bon, je suis obligé de l'éteindre. Oh là, quelle merde. Oh, mais Lydia, putain. Attends, Lily, tu peux arrêter de faire la cuisine ou de ranger? Ça fait du bruit à l'antenne, ma chérie. Je suis dehors, je suis en train de rentrer, c'est pour ça. T'étais où? J'étais au travail. Ah, tu continues de travailler malgré l'enfant, malgré le steak? Ah, bah ouais, faut bien ramener à manger, faut donner de l'argent. Vous travaillez tous les deux, toujours dans le même resto? Non, on a changé de boulot, lui, il est retourné en boulot aussi. D'accord. Alors, et comment vous avez fait du coup, toi, Lydie, pour t'avais dit que t'avais une bonne idée de surprise là. Il y a Rémi qui aimerait faire une surprise à sa meuf et tout pour ça un an là. Bah moi, en fait, mon ami, ce qu'il avait fait, c'était en entrée, l'apéritif et entrée. Il avait fait des petites verrines. Il est cuistot, toi. Ah, c'est vrai. Ouais. Non, mais il est boulanger, mais il maîtrise un peu la pâte. Il maîtrise un petit peu. C'est pas juste. Non, ça, c'est vrai que ça change tout. Franchement, il avait fait des trucs faciles à faire, c'était des trucs verrines, déjà, ça compte pas ça. Ouais, ouais. Non mais les repas au restaurant, ça compte pas. Les repas à la maison, ça compte pas. Moi, je sais rien faire. Non, c'était à la maison. Oui, mais justement, c'est encore pire. À faire cuisiner. Parce que le resto, tout le monde peut le faire. Bah tu peux te dire, tiens, économiser, tu peux l'emmener. C'était des petits trucs. C'était des tomates, concombres, fromage blanc. Ouais, mais ça compte. Non, mais moi, excuse-moi, je prends tomates, fromage blanc, je te mets du jockey, ça va pas être bon. Non mais c'est vrai. Non mais il faut savoir le faire. Attendez, vous savez quoi? On se fait le clash de la semaine qui arrive dans une minute. On va parler de sexe tout à l'heure aussi. Vous êtes tous les bienvenus. Hein, c'est venir raconter une histoire. Il y a eu plein d'appels d'ailleurs sur plein de sujets. Et on va se prendre Soprano. J'avais dit qu'on écouterait. On se fait En Feu maintenant. Si vous voulez pécho le week-end à Paris, on vous offre les mecs un week-end, le transport, l'hôtel, les restaurants, tout compris. Donc vous ne payez rien. Et vous irez voir Soprano à l'énergie live session. Ouais, ça sera en haut de la Tour Montparnasse le 28. C'est énorme. Donc on se fait le W, deux morceaux de Soprano. Vous envoyez juste Guillaume au début du texto. Votre numéro de téléphone. Et vous l'envoyez au 611-12 et je vous offre maintenant Guillaume, votre numéro au 611-12, c'est le W de Soprano sur Énergie. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'as appelé Kirikou, ce soir je donne Kofi. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, Soprano, appelez Énergie 3937 maintenant. J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest. J'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Mon carré VIP, c'est mon cercle familial. Pour eux, je brillais avant les projecteurs. I love you, Comoria. I love you, Massilia. Alléluia. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça, c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs. L'autre morceau qu'on écoutait qui s'appelait En Feu. Donc deux morceaux de Soprano juste après. On sera Bruno Mars. Mais là si vous voulez pécho, du coup on vous file l'aller-retour à Paris le 28 octobre pour venir voir le, ça sera le concert de Soprano en de la Tour Montparnasse pour un Energy Live Session. Ceux qui veulent les places, on vous file non seulement l'hôtel, alors il y a l'hôtel, il y a tout compris hein. Hôtel, restaurant, transport. Donc s'il y en a qui veulent venir, bah c'est voilà, on va faire un tirage au sort. Vraiment, ne croyez pas, le vendredi soir c'est là qu'on peut gagner. Des places facilement. Il y a moins de monde le vendredi, il y a beaucoup de monde qui sort, etc. Donc c'est le moment, si vous voulez gagner un petit week-end, justement on parlait avec 60 balles comment faire une surprise à sa copine. Ah bah là tu joues, t'en mets ta meuf et vous envoyez Guillaume et votre numéro. Guillaume au début du texto. Essayez, vous allez voir que ça marche. À chaque fois on croit pas en radio, je dis ça là. Guillaume un espace, votre numéro de téléphone et vous l'envoyez au 6 11 12. Voilà, Guillaume votre numéro au 6 11 12. Le bonheur est dans le cul du geste. Nico de Laval, il y a Sinis de Marseille. Julien m'a toujours pas appelé. Bonsoir, je vous écoute depuis les premières secondes. Bonsoir, mon Alex de Roubaix. Salut. Salut à Mélissa, Arthur et Victoire. Bisous Karine. Bisous. Radio branchée dans la chambre avec le frérot Pacôme. Salut et Corentin d'Annecy. Salut les frérots. Moi ça fait 10 ans que je suis avec un mec et j'ai 11 ans. Et il ne m'a jamais rien offert. Attends, qu'est-ce que tu dis, Lucie? Ouais. 11 ans. Attends, qu'est-ce que tu dis, ma chérie? On va t'appeler. À mon avis, ça voulait dire un an. Alors. Ouais. Ah, salut à toi. Radio branchée à la chambre aussi. Eh ben, salut les mecs. Alors, on se met en place. On vous file les cadeaux là pour le W8 Guillaume et votre numéro au 6 11 12. On va filer des cadeaux et on va prendre tous vos appels au standard. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pareil de faire une surprise à votre copine ou à votre copain? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une petite surprise un peu mignonne avec un peu de. Une attention. Sans forcément beaucoup d'argent. Hein. Il y a Eddie, ça, Eddie. Oui, salut. On parle c'est de qui le papa? Salut, papa. Non, on parle des surprises pas chères, hein, vraiment des trucs qui nous coûtent pas cher et qui font plaisir, quoi. Vraiment, c'est vraiment le truc. Il y en a un qui dit, salut Guillaume, moi mon mec a économisé pendant un an, il m'a payé un petit déjeuner au lit dans un hôtel. Et après on allait se faire masser et on a fait le pique-nique au bord de la mer et tout, c'était trop bien. Ah bah là, c'est, ouais. C'est vrai, après on peut économiser bah, aussi oui. pendant 6 mois et puis comme ça on fait ouais. un beau petit cadeau. Ouais, tu pars. Tu vois, tu mets 20 balles de côté, 30 balles quand tu travailles ou quand t'es étudiant, t'essayes de garder un peu d'oseille de l'été quand t'as bossé l'été ou quoi. Un petit week-end après. Et tu te gardes 150 boules et tu fais une petite journée romantique, sympa aussi. Hein. Elles apprécient les filles. Ah, les filles aiment. Ah, elles aiment ça, oui. Alors, et toi, Eddy, donc, t'appelles de Roquefort à la Bédoule, hein, c'est ça, dans le 13. Exactement. Ouais, c'est ça. Salut ouais. les Bouches du Rhône. Salut. Tu fais quoi de la vie, toi? Moi, je suis interprète en langue des signes française. Putain, c'est la classe. Ah ouais, c'est interprète. C'est vrai, interprète en langue des signes, quoi. Exactement. Putain. Et tu travailles pour qui régulièrement? Alors en fait moi je travaille pour une association qui s'appelle l'URAPEDA et c'est eux après, enfin les personnes sourdes contactent l'URAPEDA ouais. ou les entreprises qui embauchent des personnes sourdes et après c'est eux qui me donnent l'émission. Ah ouais d'accord. Bah, mais c'est très varié, ça peut être du pédagogique, ça peut être de l'hospitalier, ça peut être des impôts. T'as de la famille dedans? Alors pourquoi la langue des signes? Pas du tout. J'ai croisé une personne sourde quand j'avais 8 ans et j'ai toujours dit que j'apprendrais un jour. Et quand c'est j'étais ouf. Un peu plus triste, je suis réorienté et voilà, sérieux? Je suis devenu interprète. Putain, ouais. bravo. Il a rencontré un acteur porno gay. Oh, arrête. Et D'ailleurs, j'en profite pour dire, je comprends pas en fait que Julien il s'énerve tout le temps parce que c'est parce qu'il s'énerve que c'est drôle et que du coup les gens continuent. Mais s'il s'énerve que les gens ils arrêtent. J'ai pas pensé comme ça. Les gars, souhaitez-moi bonne chance. Je vais dormir chez mon mec demain et j'espère perdre ma virginité. J'ai peur. Salut Laurent. Lol, gros bisous. Non, salut Laurent. Eh ben laisse ton numéro Laurent. Bah, oui. Nous raconter. Bon courage Laurent. J'ai un stagiaire nous racontera sa perte de virginité. Elle est là encore. Enfin, non, il est éclaté comme un acteur. Arrête, nous racontera. Pas ouais. du tout. Guillaume, et votre numéro les mecs aussi, 112. Allez-y, hein, je vois le numéro. On va faire un tirage au sort dans 30 secondes. Je vous jure, même si vous êtes 30, vous avez une chance sur 30 de gagner un week-end à Paris tout frais payé. C'est quand même énorme. Ça vaut le coup. Avec Soprano, vous serez en haut de la tour Montparnasse. C'est trop stylé quoi. Sera la nuit sur Paris. Sera là en haut de la tour et vous allez assister à un concert. Vous allez danser attends, sur le toit de la tombe par là, c'est énorme quoi. Je voulais dire 6 ans que je suis avec lui, pardon. Ah, ah ok. Ouais. Il a, mais si t'as 11 ans, c'est pas possible. Hein. Ouais. Il a qu'à lui offrir un god en forme de tête de géant stagiaire. C'est pas drôle. Ah, ça va, mon Eddy. Hein. Tu travailles dans quoi? Tu m'as dit oui. Langage des signes. Hein, c'est ça. Y a non, langue des signes. On dit langue. En langue, c'est une vraie langue. Donc t'es bilingue oui. en fait. Exactement. C'est ça. Ouais. Et donc j'en profite pour dire à tous ceux qui écoutent que c'est une langue et que c'est pas universel. Chaque pays a sa langue. C'est vrai. J'ai appris un truc ce soir. Parce que en fait c'est lié à la culture. Et comme c'est une langue imagée, par exemple un exemple tout simple, pour les asiatiques, un homme il est gros alors qu'une femme elle est petite. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors qu'aux États-Unis on parle avec la maman et le papa c'est le chef de famille. Donc comme c'est pas les mêmes conceptions culturelles, j'ai pas compris le rapport entre le gros et le père de famille. J'ai pas compris. Parce que en fait, je peux pas vous montrer les signes. Hein, c'est à la radio, mais en gros c'est quand on parle d'un homme au Japon, on va utiliser le pouce. Alors que quand on parle le pouce, voilà. Ouais. Et quand on parle d'une femme, on utilise le petit doigt. D'accord. Pour représenter l'épaisseur de la personne. Oui, pour dire le monsieur, la dame, quoi. Ah oui. Et aux États-Unis, c'est quoi la différence? Et aux États-Unis, le papa c'est le chef de famille, alors que la maman c'est celle avec qui on parle. Mais c'est-à-dire que c'est pas la alors le signe, c'est difficile à dire, mais c'est comme si on faisait 5 avec la main, et c'est sur le front. Putain, c'est énorme. Comme si on faisait nananer mais sans bouger les doigts, alors que la maman c'est pareil mais c'est dans la bouche. Oh là là, parce c'est la personne avec ton père. D'accord, très bien. Putain, et ben dis donc. Donc là c'est voilà, il dit qu'il nous apprend. J'ai appris un truc. Hein. Ça fait plaisir. Ouais, merci. Ben, j'ai stagiaire, ça fait des pucer que à 14. Non les non, gars, arrêtez. C'est pas drôle. En Guillaume et votre numéro aussi sont vous file. Merci mon Eddy. Ah bah non, dis pas ça Eddy, ça va. Et t'as une gonzesse toi, t'es célibataire, t'es comment Eddy alors? Non, moi je suis célibataire. Célibataire, très bien. Célibataire, t'es avec des filles, des garçons? Quoi en général? Garçon, très bien. Garçon, ça fait un petit moment que c'est que des garçons. Hein, mais... Ah, t'as eu des filles aussi, t'as fait un peu les deux. Et c'est quoi le signe alors pour oui, dire que t'es un garçon? Comme je dis, Mais en fait, c'est très difficile à expliquer parce que c'est visuel, donc si vous voyez pas, on peut pas vraiment. Ah ouais, non, mais t'emmerde pas. Décris-le, ça. Non, mais t'emmerde pas. C'est une question, mais t'inquiète. Moi, je peux, hein, mais c'est que vous avez que 2 heures d'émission. C'était pas le thème de l'émission à la base. C'est clair. Attends, c'est quoi? Tu vas nous raconter les deux surprises qu'on t'a fait qui coûtent pas cher. Vous bougez pas, il y a 30 secondes de bébé, on s'entend juste. Envoyez vos SMS à Guillaume au 612, code Guillaume au début du message. Vos hits préférés démarrent ici. Soprano. La Star Énergie vous invite à son concert ultra privé pour fêter l'arrivée de son nouvel album, L'Everest. Dès lundi, dès que vous entendez le double hit Énergie avec 2 hits de Soprano à la suite, envoyez Énergie au 78 et partez vivre le concert privé de Soprano au dernier étage de la Tour Montparnasse à Paris. Pop, R&B, Dance. Ici, Énergie. C'est Énergie. 1 euro par SMS envoyé et reçu. Découvrez les nommés et votez sur energie.be pour la plus grande cérémonie musicale européenne. Les nommés sont... Catégorie révélation francophone de l'année. Amir. Ritza. Slimane. Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Les Energy Music Awards 2016. Votez sur energy.be. Et rendez-vous le 12 novembre à Cannes. En direct sur TF1. Energy, it's music only. Energy. Hit music only. Pendant 2 heures, tout le monde est réuni dans Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, de retour. On était avec Eddie, 29 ans de Roquefort la Bédoule dans le 13. Toujours là, Eddie? Exactement. Oui, je suis toujours là. Toujours là, vous allez bien? Vous allez bien? Bon, et merci d'avoir appelé. C'est la première fois que tu passes avec nous, toi? Pas du tout. T'étais déjà passé? J'étais déjà passé il y a un an, ouais. Ah, d'accord, putain, c'est bien, merci. Ouais, merci. On a le droit à un coup de fil par an. À Lyon? Voilà. Ouais. Ah, c'était vu où? J'ai des très belles photos avec toi d'ailleurs. Je pense que si tu les recevais, tu serais content. C'est vrai, c'est-à-dire? Oh, bah, t'as des mimiques faciales assez intéressantes. Ah! Attends, mimique faciale, pardon, des formations professionnelles, t'as des expressions du visage assez drôles. Ah, d'accord. Ah. Genre des sourires. Ok. Les grimaces, très bien. Ouais, je fais des... Ceci dit, Julien et Jean-Marc aussi. Hein. Très bien. Enfin, tous, bien des têtes, tous des têtes marrantes. T'as eu tout le monde, c'est bien. Bon, bah, c'est exactement, gentil. Exactement. Ouais. Eddie de Roquefort la Bédoule. Attends, mais je comprends pas, t'es du 13 et t'es venu nous voir à Lyon en dédicace. En fait, avant, j'habitais Mâcon et donc j'étais venu voir à la FNAC de Lyon. D'accord, ok. Oui. Oui. Mais il y a un Lyon, ouais, bah, attends, il y a un petit peu de route, c'est gentil. On se souvient, merci. C'est une grosse demi-heure, ouais. Oui, mais c'est que j'ai déménagé. C'est juste que j'ai déménagé. Ah. Et t'habitais avec un mec? T'as déjà habité avec un mec ou pas, toi, Eddie? Oui. Et t'as eu des mecs et des filles? T'as connu les deux? Oui, enfin, je dis que je suis pédé à temps plein depuis mes 19 ans, quoi. Ah, mais oui, d'accord. Ouais. C'est quoi le mieux, du coup, pour vivre? Ah bon, t'étais pédé, t'étais franchement, les deux sont chiants, en fait. Ça intéresse bien. Les deux sont chiants. Bah, tu vois, les garçons aussi, c'est chiant. Ouais. Ah, c'est intéressant, toi, t'as connu les deux, tu peux comparer, hein. Ouais, grave. Quelle est la différence, alors, dans le caractère entre un mec et une fille, toi, qui a couché avec les deux? Non, en vrai, franchement, il n'y a pas énormément de différence. Après, je dirais plus, enfin, d'un point de vue sexuel, c'est juste qu'un homme, comme on en est un soi-même, on sait ce qu'il aime et ce qu'il attend, et donc du coup, c'est un peu plus direct. Ouais. Voilà. T'es pas déçu. Mais quoi, après, sinon, il n'y a pas de grande différence. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai, tu le trouves pas. Ouais. Ah, il y en a une principale, mais sinon, ça reste grossièrement la même chose. Ouais. Ah, c'est marrant. Et avant, donc, tu as déjà eu des rapports sexuels avec des femmes. Exactement. Ah ouais. Putain, c'est marrant, quoi. Et donc, toi, t'es bi, en fait. N'essayez jamais. T'es en... bah, Oui, bah on va dire qu'après, je pense que le sexe c'est mécanique. Donc du coup, tout le monde peut coucher avec n'importe qui si c'est pas vraiment si c'est un homme ou une femme. Ouais. Ah bah alors moi c'est juste ça, j'ai mon standard. J'ai posé une question dans ma tête, c'est est-ce que j'arriverai à bander devant un garçon? Ah, devant un garçon? Oui, c'est une question. Devant un garçon dans un club libertin, il y a des mecs qui passent. Non mais si tu chauffes, t'es en tête à tête, genre duel. Ah, il s'imagine beaucoup de choses. Ah mais non, tu te poses des questions précises. Non parce que comme bander. C'est pas grave, attends. T'as raison. Bander devant une fille que t'aimes pas trop physiquement, est-ce que c'est possible? C'est le chauffe. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les hétérocurieux. Attends, exact. Mais t'es très hétérocurieux, Gilles. Et après, c'est moi qui se pose. Il est très phrase. Il n'arrive pas à dire ce mot hétérocurieux. C'est Julien Stagiaire qui fait comme parler. Tu te sens un petit peu hétérocurieux, Gilles. Non, pas du tout. Je le dirais, tu sais. Et dit qu'elle a. Et puis, on fait le clash de la semaine. Après, il y a. Comment il s'appelle? Il s'appelle, c'est Jason. Dublin, dans le 59, dans le Nord. Il veut appeler sa mère Angélique, elle est énervée, là. On va le faire dans deux minutes. Mais d'abord, Eddie, alors, Roquefort, là. Attends, et ça fait mal? T'es actif ou t'es passif quand t'es avec un mec? Moi, je suis les deux. T'es les deux? Ah ouais, t'es resté. Très longtemps que actif, et maintenant les deux. Tu prends un peu dans le cul aussi? Ça fait mal? Bah oui, ça peut faire mal au début, mais en fait, je pense que c'est comme pour une fille la première fois. Faut avoir confiance, faut être à l'aise, et faut être préparé, quoi. Ouais. La confiance à la personne, ça se passe bien. Ouais, faut pas être trop stressé. Ouais, t'as déjà boité après, non? Ouais. Exactement. Non, j'ai jamais boité. Mais il est con. Ça peut arriver. Mais il le dit, tu vois. Ah, mais tout le monde le dit. La moyenne française, c'est pas 40 cm. Non, mais si le mec il va trop fort et qu'il est bien membré. Il y en a qui dit, je suis stagiaire, il est bigurieux, le chien. Non, n'importe quoi. Il est déjà un peu au milieu. Ah ouais. C'est bien. Et du coup, tu couches plus du tout avec des femmes maintenant, Eddie? Non. Là, je crois que ça fait 10 ans que j'ai pas couché avec une femme. C'est vrai? Ah ouais. Ça te manque pas? Genre ça te dégoûte? Bah non, c'est les gays. Bah non. Ouais. Tant mieux. Non mais exactement. C'est comme si toi on disait ça te dérange pas de plus coucher avec des mecs ou de pas coucher avec un mec, James Sandar. Ah, bah moi je couche pas avec des mecs. Non mais je veux dire ça pourrait te manquer ou des filles ou quoi. C'est après ça dépend dans ton cerveau ce que t'as envie, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est marrant. Ah, et donc t'as jamais boité alors? J'ai eu un stagiaire qui t'a posé la question très élégante. Merci pour ta réponse. J'ai déjà boité mais c'était suite à une mentor. Ouais, d'accord. Okay. Non mais ça peut faire très mal, n'empêche, tu te fais taper fort dans les fesses et tout. Oui. Au bout d'un moment. Non mais en vrai, parce que moi quand je vais aux toilettes, parfois je peux avoir mal. Oui, tu marches en billet. Je me suis toujours posé la question d'ailleurs Non, j'ai le sentiment, tu t'es jamais posé la question si tu te faisais enculer, est-ce que t'aurais du mal à marcher ou pas? Déjà quand je vais aux toilettes, des fois. Non mais c'est vrai, franchement, ça te fait pas très mal parfois? Y a pas des fois où tu peux pas, genre, c'est pas possible, t'es pas disposé? Ouais, mais comme tout le monde, comme des fois, si t'es trop fatigué, t'arrives pas à bander, ou si t'as trop bu, t'arrives pas. Ou si t'as une diarrhée aussi, tu peux pas y aller. Ouais, le terrain, il est pas dégagé. Ouais, c'est ça, mais comment vous faites pour pas avoir du caca sur le kiki? Non, mais c'est une vraie question. Ou pour aller avant, en fait, tu nettoies. Normalement, quand on est un humain qui a une hygiène corporelle correcte, y a pas de problème. Bah non, mais tu peux avoir du caca dans le cucu, non? Bah des petits restes. Bah non. Si tu te laves correctement, si t'as une bonne hygiène, y a pas de raison. Ah bah, si, moi j'attends. Ça m'est déjà arrivé d'avoir. C'est sûr qu'il y a des petits bouts des fois. Tu vas pas avoir des rapports sexuels. Enfin, c'est comme une fille, tu fais pas quand t'as la série. Non, c'est la base. Des petites crottes. Ouais. Il faut dire, en fait, t'es pas disposé, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Déjà, ça t'est déjà arrivé de te rentrer dans les fesses et d'en sortir marron. Non, mais tu le sais pas, si t'es pas disposé. D'ailleurs, attendez, vous savez quoi? Vous envoyez Guillaume. Allez, encore 10 secondes et je prends le gagnant maintenant. Guillaume et votre numéro de téléphone au 611. Restez avec moi, Eddie. On va donner les cadeaux ensemble. Guillaume et votre numéro de téléphone au 611. Maintenant, je vous appelle tout de suite. Je sais pas ce qui se passe. Je vous offre un aller-retour à Paris, les gars. Hôtel, transport, restaurant, plus les deux billets pour aller voir Soprano à l'Energy Live. Session, ça va être en haut de la Tour Montparnasse, ça sera le 28 octobre, vendredi, dans deux semaines. Qui a du caca collé au cul que j'ai stagiaire? Le stagiaire a été beau au bois de Boulogne, salut Xavier. Cauchemar. Hey, d'ailleurs, j'ai besoin de figurants, une faute majeure, c'est ça? C'est ça, oui. Ah putain. Ah, Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai besoin de. S'il y en a qui veulent tourner avec nous une grosse vidéo qui sera peut-être diffusée à la télé, peut-être diffusée sur YouTube, peut-être diffusée à la radio, voilà, une très grosse vidéo qui va tourner partout. J'ai besoin de figurants majeurs. Ou alors vous aurez dit que vous oubliez votre carte. Bah oui, ça marche aussi. Vous m'envoyez un mail, guillaume@energie.com, et je cherche des mecs pour dimanche 20h, tourner une grosse vidéo, d'une vidéo qui va tourner partout. Voilà. Ouais, dimanche sur là. Paris. Ah, vous y prenez tôt, c'est bien. Ah ouais. Exactement. Mais ça, c'est la télé ou le YouTube ou quoi. On fait un petit peu au dernier moment. Et encore, tu sais que là, mardi, on reçoit Big Flo et Oli. On l'a validé tout à l'heure. Ça nous empêchera pas d'avoir des piscines à vagues dans le couloir. Un truc, oui. Ouais, mais bon, les gens qui sont hyper loin et qui ont 7 heures de route, par exemple, peuvent pas venir. C'est dommage. Oui, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Ouais, c'est pour qu'ils partent ce soir, en fait. Bah, c'est pour ça. Vous revenez maintenant, Guillaume et vous, @energie.com. Ouais. Ou si vous voulez être dans ma vidéo, vous m'envoyez un SMS si vous avez pas de portable là. Si vous avez pas de mail ou quoi, et je vous appellerai demain. Vous m'envoyez Guillaume, un espace et vidéo avec votre numéro de téléphone dedans. Là, ouais, Guillaume et vidéo avec votre numéro 612. On sera binta. Allons-y. Allez-y, allez. potos, c'est de magie sur Paris à 20h dispo là. Guillaume et vidéo avec votre numéro au 6 11 12. Guillaume en espace vidéo, votre numéro au 6 11 12. En entier, mais d'abord on offre les cadeaux, c'est parti. Vous êtes invité au premier concert privé de Soprano. C'est Soprano. Oh là là. En haut de la tour Montparnasse avec Énergie. Allez, on va appuyer sur le bouton et on offre le cadeau tous ensemble. Avec toi, Edien, reste avec nous dans Rock for la Bédoule. Ouais, je suis là. Ça a sonné chez vous. Ouais. Voilà, restez bien pas loin, sinon ça marchera pas. Hein. Vraiment répondre. Aller-retour à Paris, hôtel, transport, tout compris. C'est-à-dire que c'est un beau week-end. Ah ouais. Ah bah là. Salut Guillaume, et le stagiaire en figurant avec une boule rouge dans la bouche. Non. En figurant en vidéo. Ah voilà, il y a plein de vidéos. Bah super. Guillaume et vidéo avec votre numéro. Vous même marqué vidéo. 63, 46, ah, putain, ça ne 40, marche pas. 65, merci. Ah putain, alors il y a tout le numéro qui est passé à l'antenne en plus. Ah ouais. Putain, le coup, rappelle une deuxième fois si on prend un autre gagnant. 63, ah putain, attends, je crois que c'est en fait c'est un problème. Essayer, c'est, non, il y a non, deux lignes en fait qui sont allumées en même temps. Attendez, c'est moi qui ai fait une connerie, excusez-moi. Normalement ça devrait marcher. En plus j'ai passé son numéro à l'antenne. Alors, comme ça il est content, un garçon. Ouais. En fait j'ai appuyé sur les deux lignes en même temps, du coup je me suis auto-baisé. Ah bah voilà, ça marche. C'est bon, c'est bon. Effectivement on a une couille. Alors par contre faut qu'il réponde, s'il répond pas, il est foutu. Allô ? Oui, allô Guillaume. Putain, c'est pas passé loin frérot, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça va, c'est quoi ton prénom ? Ça va, c'est Sofiane. Sofiane de où ? Sofiane de Lille. De Lille ? Bon, enchanté Sofiane. Salut, t'as, salut, quel âge, Sofiane ? J'ai 16 ans. 16 ans ? Vas-y, bah bienvenue. Hein. Tu fais quoi dans la vie Sofiane ? Bah, je suis lycéen. Et bah, représente hein, les Lillois. Hein. Ouais. T'es en quoi ? T'es en première, toi ? Ouais, je suis première. Dans quel bahut à Lille ? Je suis à Valentine Labbé. À Valentine ? Ah bah, dédicace à un bahut pro, non ? Non, c'est plus généreux. Enfin, c'est les deux. C'est ah, oui, ils font les deux. Ils font les deux, ouais, exactement. Ouais. Vas-y, bah, dédicace mon Sofiane. Bah, écoute, c'est gagné, on peut faire tourner le truc. Tu vas aller voir Soprano le 28, d'accord poto? Ok, merci beaucoup. Ok, faut, tu viens avec qui là du coup? On paye tout, hein, le transport, l'hôtel. Ouais, je sais pas trop encore pour l'instant, mais je vais trop fuir. Prends une meuf, hein. Ouais, je vais essayer. Ouais. J'ai un stagiaire, il achète les femmes là. Bah non, mais c'est un bon cadeau. Vraiment un problème. C'est une belle sortie. La fin, jeune stagiaire. Ah. Et la fin, jeune stagiaire. Ah, t'as dit quoi, jeune? Non, c'est Julien, Julien le stagiaire. Je suis jeune aussi. Mais tout le monde l'appelle jeune stagiaire. Bah, c'est comme Julien, jeune. C'est vrai, hein. Non, ouais. Il faut que je prononce mieux, c'est moi qui articule pas. Julien. Il y a JM. Oui, c'est moi, Guillaume. Salut. Julien le stagiaire. Salut tout le monde. Flo des cadeaux. Salut. Et Julia. Salut. Avec un A. Je vais le chucher. Voilà. Je peux pas voir ta photo. Prends-moi ta photo, je t'en prie. Oh là là, on avait des pervers, ils étaient magnifiques. Tu sais, mon pénis, il fait 25 centimètres. Putain, faudra qu'on en rigolé quand même. Bon, en tout cas, Sofiane, tu veux faire une dédicace avant de partir ou quoi, là? Parce que comme ça, on t'envoie les trucs. Ouais. À tous ceux qui m'ont reconnu, etc. Sinon, je sais pas trop qui écoute, en fait, dans mon entourage, mais voilà. Eh ben, c'est le meilleur moyen de le savoir. Ouais. Tu jettes une bouteille à la mer et tu verras, tu auras des textos dans 2 minutes. Allez, bisous, mon Sofiane. Je t'en passe le standard, d'accord? Merci beaucoup. Et première radio de France, Sofiane. À mon avis, il y a du monde. Ouais. Okay. À mon avis, sur toute la France, la Belgique et la Suisse, tu risques d'avoir 2-3 appels. Je t'embrasse, mon Sofiane. Ah, en plus, en sachant que mon téléphone est passé sur la radio, donc. Ah, merde, oui. Ah ouais, putain, tu l'as entendu à l'antenne? Ouais. Ouais, je l'ai entendu. Et pourquoi ça n'a pas marché alors du coup? T'étais en ligne? Non, j'étais pas en ligne. Je l'avais mis exprès sur en verrouillé et il a pas sonné. Oh putain. Ah ouais. Ouais, là t'es pas passé loin. Hein. Et t'as eu des appels du coup? T'as reçu des SMS ou non, pas? Non. Pour l'instant ça va, y a rien mais. Ah t'as eu du cul. Ça va venir. C'est la personne qui a pensé à le noter. Ouais, tu sais, quand ça arrive comme ça. Bon, je t'embrasse pour Sofiane. Je te repasse le standard. Ok. Alors c'est Hardwell, le nouveau qui arrive juste après. Live the night. On parle des surprises en couple et on se fait le clash de la semaine qui arrive juste après Sia. Kendrick Lamar, on se fait plaisir avec The Greatest, on se le cale maintenant et juste après, on retrouve normalement c'est Jason qui va énerver sa gorge et sur Énergie. motherfucker, like I'm the youth. Ay, I am the greatest. Ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure. I'm hands on with effort. I failed twice before. My bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the strongest survive. Another scar may bless you. Don't give up. Nah, no. Don't give up. Nah, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. I won't give up. Dans Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Retour à l'antenne sur Énergie. 23h09, on va maintenant vous filer des cadeaux. Là, j'ai deux secondes, j'ai des PS4, des tablettes Samsung Galaxy Tab E. Pour 30 secondes, ça va aller vite, c'est le juste prix. Le premier qui me trouve le chiffre que je cherche, je vous dis un chiffre, vous me dites plus, enfin je vous dis plus ou moins. J'ai marqué un chiffre sur ma feuille. Regarde, GM du standard. Ah, je l'ai vu, Guillaume. J'ai un stagiaire. Ouais, c'est bon, merci. Flo des cadeaux. Julia, regardez. Tous les deux, ils sont dans le couloir en fait, avec des micros qu'on a rajoutés en plus pour avoir plus de monde et tout avec nous. Parce qu'on est près du tout petit studio d'énergie en fait. Tu nous connais depuis quand toi, Eddy d'ailleurs? 3 ans même. 3 ans, ah ouais, putain, c'était aussi le. C'était, on arrivait à 5 ans. Ouais, 2011. Mais c'était encore un petit peu les débuts. Hein. C'était, on sait quel horaire il y a 3 ans, c'est minuit 3h ou 22h 23h 2h. C'est ça. Ah, c'est putain, 23h, 2h, c'est énorme. Putain, à l'ancienne, quoi. Putain, c'était. Donc, j'ai souvent été changé. Fatigué à cause de vous parce que j'attendais la fin de l'émission pour me coucher. Ah, c'est vrai, ah, c'est gentil, merci. Ah ouais. Et comment t'avais découvert il y a 3 ans? Vous étiez drôle, hein. C'est quoi? Par hasard. Ah ouais. C'était que les émissions où j'étais drôle. Quand j'étais pas drôle, j'allais me coucher. Ah, il est comme ça. Tu devais te coucher souvent très tard. Non, c'était par hasard. J'étais en voiture parce que je roulais de nuit. J'ai entendu et j'ai dit tiens, des gens qui ont pas besoin d'être tout le temps injurieux pour être drôle. Et donc du coup, j'ai commencé à vous écouter régulièrement. Ah, c'est quoi. Sympa, merci. Merci beaucoup. Ouais. Vous êtes trop fort, on s'éclate avec vous. Salut Guillaume, fais faire. Alors non, je peux pas. Fais faire une modène avec un vibro dans le cul du stagiaire. Voilà. Ça va pas ou quoi? Je suis un objet. Ou... T'as vu, je suis pas vulgaire pour être drôle. J'ai vu des SMS. Hein. Salut GG du 12. Dédication routier frigo. Le bisou. Et ben le bisou. Bisous à tous. Bisou, ouais. Allez, on y va, c'est parti. Le premier qui me trouve ce chiffre, je lui offre vraiment, hein, je vous le dis là, la PS4 direct ou la tablette Samsung Galaxy Tab E. Ah non, et vous savez quoi? Ouais, on peut. Ouais. On peut, j'ai une sonde. On peut, Guillaume. Eh ben, on s'est trompé dans les commandes. Voilà. Et nous avons reçu deux PS4 il y a une heure. Ouais. Enfin, non, il y a pas une heure, mais enfin, ils nous ont mis. Il y a un problème de standard, on n'entend plus une. on vous file, non pas un, il y aura deux gagnants. Donc les deux premiers qui vont me trouver. Les deux premiers qui ont trouvé ce chiffre, ça veut dire que déjà il y avait une chance sur 100, il y a plus qu'une chance sur 50 de gagner, les mecs. C'est dingue. Le premier qui me trouve ce chiffre, il a gagné. Guillaume, un espace et un chiffre au 6-11-12. Il y en a qui me disent 150, c'est le premier SMS arrivé. Non, 238, pardon, 238 c'est moins. 150 c'est moins aussi. Voilà, 07-68-69-60, etc. Salut frérot, donc c'est bien moins que celui-là. Faut bien ne pas oublier votre numéro de téléphone juste dans le SMS pour que je puisse vous rappeler. Donc Guillaume, un espace et le chiffre avec votre numéro. Au 6-11-12 maintenant, qui suis-je? Réfléchissez bien. Est-ce que ça serait 100? C'est moins que 100. Si c'est moins que 100, qu'est-ce que c'est? Guillaume et le chiffre au 6-11-12. 87, c'est moins que 87. Il faut attendre encore, attention, 10 secondes pour jouer à mon avis. Il y en a qui disent, est-ce que c'est 60? C'est moins que 60. Voilà. Et vous pouvez chiffre. Bourriner à partir de maintenant, les gars. À partir du moment où il y a non pas une chance sur 60, mais une chance sur 30, puisqu'il y a deux cadeaux. Guillaume et le chiffre au 6-11-12. Allez-y maintenant, c'est moins que 60. Voilà. Il y en a un qui dit, est-ce que c'est 1? C'est plus que 1 quand même. Entre 1 et 60. Guillaume et un espace. Vous mettez le chiffre au 6, 11, 12 maintenant. Est-ce que ça serait 40? C'est plus que 40. Ouais. C'est une chance sur 20. C'est-à-dire vous avez 2 chances sur 20. Une chance sur 20 de gagner une PS4, les mecs. Une PS4 ou une tablette Samsung Galaxy Tab E si vous préférez. Guillaume et le chiffre avec votre numéro au 612. On se fait le clash de la semaine dans 2 minutes. Ouais. On est obligé d'attendre en fait pour vous expliquer parce que sa mère est sortie. Et on attend que Jason parte en fait chez un pote, etc. pour énerver sa mère. On va faire le clash de la semaine dans 30 secondes. un chiffre entre 40 et 60. Le premier qui me le trouve, je lui offre le cadeau. Guillaume est le bon chiffre au 612. Est-ce que ce serait 43? C'est plus que 43. Est-ce que ce serait 49? C'est plus que 49. Est-ce que c'est 52? C'est plus que 52. On cherche donc un chiffre entre 52 et 60. Guillaume est le bon chiffre maintenant au 612, les gars. Mes gosses m'ont filé le virus Oracle. Transport Bertin 45 ans, tu m'aides à aller quoi? J'ai pas compris, c'est quoi ça? Dédicace au routier de la Night officiel de la fusée des transports. Denoël, bonsoir à toi. Salut. Salut John de Rodez. Salut l'équipe, les nuits blanches avec vous, minuit, 6h, c'était énorme. Ah ouais, on avait fait ça. C'était magique. Ah ouais, putain, on avait fait des nuits entières. Et une 23h, 6h aussi. Ah ouais. Une pyjama partie. C'est quoi, j'aimerais bien une fois qu'on fasse un 22h, 9h. Ah bah ouais. Et on fait le morning. On fait le morning le lendemain. On double les salaires et tout là. Et bah, ah ouais, bah on peut le faire. On dit à Manu reposer. Voilà. Un soir. Un vendredi. Ah, mais c'est quoi, je vais le noter. Vas-y, ça. Guillaume. Et on pourrait faire une journée marathon. Ça serait bien. Bah ouais. Attends. En pyjama. On va faire les 35 heures de Guigui. Non, faut faire plus du coup. Mais... Non, mais attends, non, 35 heures c'est trop. Ouais. Non, mais ça sert à rien parce qu'à la fin t'es. Ah ouais, en fait, non, mais il faudrait changer de studio, faudrait bouger un peu sur les personnes ah, studio, assis sur la même pièce. Ah ouais. Tu manges pas, tu. Il a bougé celui qui l'a fait un peu. Ah, c'est. La personne qui l'a fait. Ah, Arthur, à l'époque, elle avait fait. Exactement, Arthur avait fait. À l'époque, dans les radios et tout, il était passé de gauche à droite. Ouais, c'est ça, il avait changé de studio, ouais. Exactement, exactement. Guillaume, donc, qui a le bon chiffre avec votre numéro de téléphone au 612. On va essayer de trouver le bon chiffre, donc, du coup, entre 52 et 60. Il y en a qui dit 55. Et ben c'est plus que 55, les gars. Guillaume est le bon chiffre. Et putain, bordel. Hey, allez-y là. Hey, c'est vraiment une chance sur 5. Vous avez 2 chances sur 5 de gagner une PS4 là. Guillaume, un espace. Vous mettez le SMS. On a toujours l'impression, mais parfois il y a 4 personnes qui vont jouer à un jeu. Même si vous êtes 1,5 million, il y a très peu de gens qui jouent au jeu. Guillaume est le bon chiffre au 612. Dès qu'il arrive, juste déjà, tu vas te mettre à crier. Avec plaisir, ouais. Ah, bah, tu veux, ouais. Dès que le logiciel s'allumera en vert. Et attends, il y a du foot d'ailleurs. Ouais, il y a Lyon qui a perdu 2-0 à Nice là. C'est fini. Ah, là, c'est surprise quand même. Ouais. Lyon contre les Niçois. Ils ont perdu. Eh bah, victoire des Niçois, bravo les Niçois du coup ce soir. Ils sont leaders du coup. Eh bah, félicitations les man. Eh ouais. Ils sont leaders, ouais. Ouais, Nice là, ils sont en forme là. C'est pas le PSG là. C'est chaud. Et ils sont combien Marseille? Ah, Marseille, ils doivent être 14ème. On est loin. 13ème. Et Paris? Paris, ils sont 4ème, ils jouent demain. Ah ouais. 5ème, ouais. 4ème aussi. Hein. Bah, le PSG, ouais, ils ont des défaites là cette année. Ils sont 4ème. T'es moins fan qu'année dernière? Ah non, toujours aussi, je vais les voir demain d'ailleurs, mais toujours aussi fan, non? Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Ils jouent contre qui demain? Ah, Nancy demain. Ah, tu vas à Nancy? J'ai eu des places et donc j'ai la chance d'avoir des places, donc j'y vais. Avec mon papa. Exprès? Ouais, avec mon père, il habite pas très loin de Nancy, donc on se rejoint là-bas et on se fait un week-end tous les deux. Ah bah t'as raison, vrai supporter. Ah oui, du PSG. J'aime du standard marseillais. Ouais, à fond, ouais. Ils suivent un peu moins quand même. Ouais, c'est normal. C'est bah non, en fait, en vrai, quand on est fan, on est fan. C'est comme une femme, quand tu l'aimes, c'est pour le bien et pour le pire. En vrai, ça, c'est une phrase de Kéké. Voilà. En vrai, quand ton équipe te déçoit, au bout d'un moment, t'es moins fan. Il faut rallumer la flamme. C'est comme en couple. Exactement. T'as beau aimer très fort une femme. Faut lui faire des surprises. T'as beau aimer très fort un homme. S'il fait pas d'efforts, au bout d'un moment, bah ça lasse. Si elle te fait pas rêver, bah tu crois plus. Exactement. Faut être là dans les moments durs. J'aime du standard Babtou Parolin. Non mais c'est bien, attends, t'as raison. Toi j'ai besoin, tu aurais pu voir un match de Vélodrome aujourd'hui. Si si, j'y suis allé il y a 3 semaines. Ah bah alors. Ah oui, donc tu bouges encore quand même. Ah si, un peu. Ah ouais. Mais après voilà, je fais pas les déplacements et tout ça. Ouais. Ouais. On y croit un peu moins. C'est quand t'es à côté, t'y vas. Voilà, c'est ça. Ouais, t'irais plus acheter les posters, les. Les écharpes, non, le maillot, t'irais plus acheter le maillot là. Oh, je l'ai le maillot quand même. Bah, c'est pour ça que tu gardes les vieux quoi. Ah, mais il coûte trop cher. C'est celui de l'année dernière. Et le maillot de 95. Mais 100 euros pour un maillot. Non, ah ouais, ouais, non, c'est vrai. Franchement, c'est abusé. Alors, Justesia, il est fan. Ouais, mais je suis fan. Mais pas pour payer. Excuse-moi, 80 euros. Il est fan de tout quand c'est gratuit. Attends, excuse-moi. Il a acheté le maillot le moins cher là, celui qui met jamais, je crois. Il est plus haut, il y a deux paris. Il a acheté un maillot 22 euros. Le maillot remplaçant du goal. C'était le maillot soldé de la saison d'avant. Il a acheté le maillot remplaçant du goal. Mais oui, personne ne connaît. Mais il est bien, c'est un maillot jaune et puis personne la matière elle est stylée. Il ne met jamais. Ouais. Il est jaune fluo. Jamais l'été. Non, mais il est jaune fluo. Même le gardien il le met pas. Le vrai maillot du PSG il est bleu. Ouais. Voilà, ouais, c'est 59 le chiffre, il est arrivé. Si vous avez envoyé 59, les mecs, on va tirer au sort 2 numéros. Et j'appelle en rafale pour vous filer des PS4. Et juste après, on se fait le clash de la semaine, Jason et Angélique. Jason qui va énerver sa mère, Angélique. On le fait dans 2 minutes, mais d'abord, c'est parti pour les PS4. J'ai 2 PS4 à vous offrir. Allez, c'est parti, ça sonne. Du coup, premier numéro dès que ça peut. J'appuie sur le bouton maintenant. 23h17, nous sommes en direct le vendredi soir. Allô? Allô? Ouais, ça va ou quoi? Ouais. Ça va frérot, c'est quoi ton prénom? Lucas. Ça va mon Lucas ou quoi? Salut, Lucas. T'es d'où Lucas? De Guingamp. De Guingamp. Putain, t'es content quoi quand je t'appelle poteau? Ouais. Ah putain. Et bah je t'offre la PS4 mon Lucas, d'accord? Bravo mec. Bravo. Ok. Ouais. T'es content? Ouais. La joie du coup. Bah non, c'est normal. Non, non, attends, il dit non, non, alors ça, non. Ça, je vais te dire un truc. Et moi, je suis passé à la radio la première fois, j'avais les jambes. Il est stressé, T'as quel âge toi, mon Lucas? 14 ans. Ah ouais. Tu sais, moi, j'ai jamais osé passer avant 17 ans à la radio. Ah bah ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah ouais, attends, mais c'est les dur. Jambes, quoi, les jambes qui tombent quand je prends l'antenne. Non, pas quand je prends l'antenne. Quand je prends à la télé. À la télé, ah ouais, À la télé, j'ai encore un concombre dans le cul, mais c'est normal, il faut quelques mois pour que ça se résorbe. Ouais. En tout cas, mon Lucas, qui passe un petit coup de fil là. Alors, t'es en quelle classe, toi, 14 ans là? Ouais, je suis en 3ème. Dans quel bahut? Ah, tu m'en T'es dans quel bahut à Guingamp? Dans quel collège? Je suis au collège Jacques Prévert. Jacques Prévert. Bon, ça va. T'écoutais sous la couette là? T'écoutais comment? J'écoute tous les soirs. Ah, c'est gentil. Merci. Man. Ah, c'est frérot, merci mille fois. Trop gentil. Je suis content de te parler, mon Lucas, en tout cas. Alors, vraiment, moi, je suis trop content, quoi. C'est la première fois que tu passes à la radio, alors, j'imagine, là. Ah, ouais. Ah, c'est le dépucelage radiophonique, putain. Ça, bravo. C'est. Tu t'en souviendras. Hein. Ah, oui. Et, t'as vu que ça marche pour de vrai, hein, le jeu. Ah, ouais. J'ai envoyé dès le début et quand t'as dit, après j'ai dit peut-être que ça va être bon. Eh ben, tu vois que ça marche. Non, mais je vous dis franchement, vous ment pas les gars, quand on vous dit qu'il y a un vrai jeu, on est une des rares émissions, je pense, où ça existe vraiment. Hein. On fait l'émission dans un marécage. On est sur une barque, on fait l'émission sur une barque. On fait 35 heures sur une barque. Ça serait, t'imagines. Oh putain. Va aux toilettes sur une barque, mon gars. Bah, tu pisses dans tout le monde, un relou, quoi. Et en tout cas, ça te fait plaisir, mon Lucas, quand même. Ouais. Tu as joué à quoi là, avec la PS4 là? GTA 5, je pense. Ah ouais, putain, ouais, il est énorme. Ouais, t'as quoi comme console pour l'instant là? Bah, j'ai aussi la PS4, mais je vais la vendre du coup. Ah ouais, bah oui, très bien. Oui, Du bise. Ouais. Eh bah, t'as raison, attends. Et c'est pas parce que t'en as une que t'en aurais pas deux. Hein. Tu pourras prendre le casque. Tu pourras jouer les chiottes. Ah ouais, FBR. Putain. Et la semaine prochaine, on en fait gagner, Guillaume. Ah, alors. Gros pack avec toi. Non, mais attends, frère. On a un cadeau. Mon Lucas. Franchement, non mais c'est clair. Ah ouais. On est d'accord. Attends, t'as le mail ou pas là? J'ai le mail. Non mais alors, écoutez bien tous les soirs. Ah ouais, faut que je le vois. Ce qu'on vous offre la semaine prochaine. Non mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment. Attends, je suis en train de chercher le mail là. Ouais. On offre non seulement. Tu l'as, JM Standard. Alors attends, il est là. Voilà. Il dit qu'il l'a, mais il l'a pas. Il essaie de combler là. Et bah, moi je vais vous dire ce que tu veux. Attends, fais gaffe par contre, ça fait du bruit, mon Eddy derrière. Ah pardon. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Vas-y, dis-nous ce qu'on a gagné. Hop, attends. Ah mais tu l'as pas en fait, dis-moi que tu l'as pas tout simplement. Il y en a 4 de mails, c'est pour ça. À chaque fois, il rajoutait un truc, c'est pour ça, Guillaume. Je te jure. Putain, mais tu tapes Lavignas, c'est le mec qui a envoyé le mail. Bordel. Voilà, Thierry Lavignas, le directeur là, le responsable, non, l'assistant du directeur. Ouais, mais moi 15 mails par jour, Guillaume, ce monsieur. Attends, Lavignus, attends, je tape, on va trouver. Yo Lavignas, j'espère qu'il écoute. Voilà. OK, je m'en occupe demain. Voilà, tu l'as ou pas, Jim Sandra? Je le mets sur le téléphone. Allez, vas-y, dis-nous. Ouais. Ah non, tu le sors pas en fait. Si, je l'ai sur le téléphone. Il va l'improviser le message. J'ai un problème de mail. Marche plus encore. À énergie de bordel. Jim Sandra, il ne fait pas son travail à un niveau. Mais c'est voilà. Attends, je vais le faire moi-même. Bien sûr, il est seul. Alors, nous avons ce soir. Vas-y, James, fais-le. Ouais, tu veux faire. Vas-y, fais-le. Il a disparu mon mail. Ah, tu vois, moi aussi, Guillaume, c'est très kiff. Je crois qu'il les a. Ah, c'est bon. Voilà. Parce que moi, je vous explique, on a un serveur. Non, mais je l'ai effacé hier. J'ai fait du ménage dans la boîte mail. Ça fait longtemps que j'étais pas allé au bureau. Ah ouais. Et j'ai fait du. Voilà. Alors, vas-y. Alors, il y a le pack complet. Il comprend la console. Non, non, écoutez bien, écoutez. Attends, il faut. Deux secondes, arrête de te presser là. Franchement, un cadeau comme ça, ça se fait pas tous les jours. Attends, je mets une musique. Je mets une musique un peu. Vas-y, Guillaume. Voilà. Bon, j'ai qu'une musique de l'autre. La semaine prochaine. À partir de 22h sur Energy, non seulement nous vous offrons la PS4. Déjà de une. Mais en plus de ça, dans le colis, il y aura. Le casque de réalité virtuelle Sony PlayStation VR. Mais le vieux, quoi, le vieux. PlayStation. On n'arrive pas à le faire. La caméra. On a le PlayStation VR, putain, c'est le casque de réalité augmentée. Avec la caméra VR qui va avec. Avec la caméra VR, on achète toutes les options. Ouais. Plus deux manettes PlayStation Move. Voilà. Et deux jeux en plus. Et les mecs. Il y a tout. Il y a tout. Franchement, là, c'est gros. 1500 balles. Ah voilà, c'est. Je vous le dis, non mais attends, cadeau la semaine prochaine, tous les soirs, 22h, des casques, on vous offre le kit PlayStation VR et on se fait le clash de la semaine qui arrive juste après ça. Vous êtes invités. Envoyez vos SMS à Guillaume au 611-12, code Guillaume au début du message. Energy Hits, votre nouvelle chaîne télé 100% musicale, débarque en Belgique. Energy Hits, 100% énergie, 100% hit. Energy Hits, disponible sur Proximus TV, canal 185. Sur vous, canal 132. Sur Orange TV, canal 36. Sur SFR TV, canal 68. Tous vos clips, toutes vos stars, tout le temps sur Energy Hits. Retrouvez aussi votre chaîne télé sur l'appli Energy Belgique et sur energyhits.be.

Ouais, bonsoir, salut les gars. Bonsoir, salut Jason. Ça va ou quoi, Jason? Tranquille, 16 ans. Ouais, nickel, tranquille, et vous? Ouais, ça va. Ouais, ça va bien, en forme. Toute l'équipe. On est bien là, ouais. Au top. Ils se sont tous habillés pareil. Toute l'équipe s'habille en noir et blanc. En voilà. Marine et blanc. C'est sobre. Tous en sweat et capuche. Et il y a Jason, hein, qui est là, donc 16 ans, t'appelles Douplin dans le 5-9, représente le Nord. Ouais, le Nord de la France. Ouais. Tu fais quoi? T'es étudiant, tu travailles, tu fais quoi exactement? Moi, je suis au travail, je suis en contrat d'apprentissage. D'accord, en quoi? En CAP cuisine. CAP cuisine, ok, cool, vas-y, bah, bienvenue en tout cas, ça se passe bien pour l'instant, ouais. Ouais, nickel, franchement, ouais, là j'ai attaqué ma deuxième année, puis bah, on verra bien ce que ça donne à la fin. Hein. C'est genre qui ton modèle? Normalement, mon patron il me reprend déjà pour 2 ans après, donc. C'est bien! C'est nickel. Ouais. Au moins t'as du boulot. C'est qui ton modèle en cuisine? Mon modèle en cuisine, bah, c'est Philippe Etchebest. J'ai pas voulu faire kit, j'allais dire, alors ton modèle c'est. Ouais. C'est vrai, t'aimes beaucoup ce qu'il fait culinairement et tout, tu connais les plats et tout ça? Ouais, franchement, ouais. Ou c'est genre l'image que t'aimes bien, genre un peu le style? Ouais. Bah ouais, j'aime tout en fait. Ouais. T'es amoureux de lui un peu, quoi. Non, mais attends, c'est un modèle. Moi, ça va, j'ai une copine, les gars. Parce que j'ai un stagiaire, il comprend pas qu'on va. J'ai un stagiaire, il va se faire démonter par exemple. N'importe quoi. C'est une femme. Le mec, il fait un mec parce qu'il fait un beau truc dans la vie, tu vois. Et c'est important d'avoir des modèles, des exemples. C'est vrai. J'ai un stagiaire, c'est un guide. C'est qui ton modèle? Bah, j'en ai pas. Bah, c'est ça ton problème. C'est vrai. T'as pas de modèle, c'est le star du porno pour les gays, lui. Merci, mec. Attends, j'en sais rien, qui ça peut être? Bah, je sais pas, un sportif alors. Pour moi, je suis pas dans le sport, mais j'aime bien ce qu'ils font donc. Ça va être. Comment il s'appelle le mec qui fait le 100 mètres sans pied là? Usain Bolt. Ah non. Pistorius. Il a mal fini le mec. C'est un tueur en série. C'est un sportif, un tueur en série. J'aime le standard ton modèle. Franchement, Gad Elmaleh. C'est vrai? Ah, vraiment, ouais. Ah ouais, trop bien. Julia, modèle? Moi, j'adore Lady Gaga. Ah, c'est vrai, l'autre. Elle est incomprise. Ouais, parce que c'est une artiste de ouf et tout le monde croit que c'est une vitre commerciale et tout. Alors que elle a un vrai art, quoi. Elle a un vrai art, ouais. Franchement, voyez pas la face cachée. la lune. Flo des cadeaux. Moi, Alexandre Astier, je l'aime bien. D'accord, ok. Je trouve qu'il aime l'autre. Il est bon. C'était pourri. Alors, on y va donc. Et Jason qui va énerver sa mère qui s'appelle Angélique, tu m'as dit, 39 ans, Douplin aussi. Ouais. Et traîne en quoi ta mère? Elle est auteure, elle écrit des livres. Ah, énorme! Ah, très bien! Elle écrit des livres sur quoi? Sur son fils? des livres. des livres fantastiques, des romans d'amour, enfin, moi je lis pas, mais. Ah, c'est une artiste, mais c'est un peu pas ce qu'elle fait, quoi. Elle en sort beaucoup et tout, elle écrit beaucoup? Ah ouais, là je pense qu'elle est. Bah, elle en a déjà sorti une vingtaine. Ah ouais. Je pense que là elle écrit le 26e, je pense, un truc, par là. Putain, c'est énorme. Attends, ouais. c'est quoi son nom de, est-ce qu'elle a un nom de scène d'auteur? Alors c'est Angie L. De Ricker. Attends, Angie A N G I, c'est ça? Angie O N G I E. Angie L. De Ricker. De Ricker en fait, ça te propose. Ouais, ça te le propose. Attends, et comment t'écris? Attends, j'ai pas compris. Angie. L. Angie. L. L. L. De Ricker. De Ricker. D-E-R-Y. Ah ouais, ok, très bien. Ah ouais, elle a écrit plein de trucs. Ouais. Angie L. De Ricker sur Facebook. Auteur de. Elle a plus de fans que Jim de Sandard. Ça, c'est marrant. Romance en tout genre. Fantastique et imaginaire. Roman. Ah putain, je connais pas. Bah, c'est bien ça. Elles vont beaucoup et tout, genre aller dans des grosses éditions. C'est trop bien. Enfin, je sais pas si on peut dire une grosse édition. Son édition, sa maison d'édition, c'est Sharon Keno. Je sais pas si ça doit être connu. Non, mais c'est vachement bien en tout cas. Écoute, vas-y, on l'appelle et puis on essaie de l'énerver. On va lui faire croire que t'es allé chez un pote alors que là tu devais normalement. Ouais, tu devais dormir chez un pote, c'est ça? En fait, moi je lui ai fait croire que je dormais chez ma copine, mais en fait, non, c'est pas vrai. Et là, tu vas lui dire, en fait, je suis chez Mehdi, un de mes potos, et en gros, j'ai gardé un enfant avec lui, son petit frère, et sauf que, en fait, on l'a fait fumer le petit frère du shit. Et là, il est en train de faire un malaise, on a mis le feu à l'appart, c'est le bordel et tout, d'accord, Jason? Ouais, voilà. Allez, vas-y, on fait le numéro, dès que ça répond, c'est à toi, mon Jason. Allez, ça va. Ça sonne. Voilà, vas-y, c'est à toi dès que ça répond. Allô? Ouais, maman? Ouais. Ouais, je t'ai dit que j'allais dormir chez ma copine ce soir. Bah ouais, pourquoi? Bah je t'ai menti, en fait, je devais aller chez Mehdi. Attends, je préfère te le dire. Non, mais attends, laisse-moi finir, je préfère te le dire parce que, enfin, tu comprendras, c'est assez grave et tout. Et en fait, je crois que je suis dans la merde. Et du coup, j'étais chez Mehdi, on a commencé à passer la soirée tranquille. Il y avait le petit, on lui avait mis ses jouets et tout, il se débrouillait. Puis après, on a commencé à boire un verre. Après, il restait la moitié de la bouteille. Du coup, on s'est dit, on l'a fini, tant pis. Je vais te démonter la tête. Après, Mehdi, tu sais très bien, on y a roulé un joint. Et du coup, j'ai fumé. Ça va, c'est mal pour toi. On a fait fumer le petit, il a commencé à tousser. Mais on s'est dit, c'est pas grave, on va le refaire fumer et ça passera, quoi. C'est sûrement parce que c'est la première fois qu'il fume. Et puis après, il a commencé à dégueuler partout et là, je suis dans la merde, je sais pas quoi faire. Non, mais t'es sérieux, je vais te démonter. Attends, le petit là, qui est en train de pleurer, c'est lui que t'as fait fumer, tu t'es fumé un joint à lui? Ouais, voilà. Ouais, non, mais t'es malade, mais je te promets, t'as intérêt de rentrer à ta case tout de suite. C'est pas de ma faute, tu connais Mehdi, quand on passe la soirée tranquille, et ben. Attends, voilà. Il vient de dire quoi, ce bouffon? De quoi? Il est ferme sa gueule. Qu'est-ce qu'il a dit, ce bouffon? Sa gueule, celle-là, là. C'est bon, qui est je débarque. Il ferme sa gueule. J'emmerde, ferme ta gueule toi-même et pouilleux, va. Et passe-la-moi, connasse, là. Ouais, attends, je te. Et passe-la-moi, c'est une grosse connasse. Et par contre, quand t'es devant moi, tu la ramènes pas, hein. Ferme ta gueule, toi. Mais ferme ta gueule, et t'as que ça à dire dans ta vie, toi. Je te nique. Toi? Laisse-moi rire. Et le petit, il va comment, là? Dis-lui que je les pèse ta mère. Le petit, il est pas bien, là. Il dégueule partout, il pleure. T'appellerais pas les pompiers, peut-être? Ça t'est pas venu à l'esprit? Bah ouais, mais moi, je vais dire quoi s'ils viennent avec les flics et tout qu'on a fumé? Eh ben, Bah ouais, mais si les flics viennent et tout et on dit on a fumé, après, on va se faire niquer, nous. Eh ben, j'en ai rien à foutre, tu te démerdes. Si on garde à vue, ça te fera les pieds. Eh frérot, il est... Faire des débilités pareilles, là. C'est n'importe quoi. Frérot! Ouais? Il est tout bleu, le bébé. Il bouge plus. Mais lui, c'est lui qui ferme sa gueule avec sa voix de PD, lui, et puis qui appelle les pompiers au lieu de dire n'importe quoi, là. Oh, le bébé! Réveille-toi! Bah ouais, il bouge plus, le petit. Oh. Tu veux, je fais quoi, moi? Mais t'appelles les pompiers, bordel! Réveille-toi, t'es tête de mort! Putain, appelle les pompiers, bordel! Ta gueule, toi! Dis à ta mère, elle fait sa gueule, elle me casse les oreilles! Attends, je vais débarquer, toi, tu vas rien comprendre! Elle me casse les oreilles, oh! Nathan, réveille papa, dépêche. Attends, mais casse les oreilles. Tu verras. Je vais lui faire un massage cardiaque avec les pieds au bébé. Je vais danser dessus. Mets la musique, je vais danser dessus. Vas-y, je monte sur le bébé. Pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit. Il a vomi, c'est bon. Continue. Mets notre musique. Et Jason, sérieux. Il kiffe. Il a kiffé. Non, mais il est débile ce mec. Attends, passez-la moi à ta mère que je l'encule. Ouais, je te la passe, tiens. Alors lui. Qu'est-ce qui t'arrive, Angélique, quoi? Tu stresses ou quoi, frère? Mais je t'emmerde. Allez, démerde-toi, appelle les pompiers pour ce gamin, là. Tu connais pas le number? Je connais pas le number, il se tape là, mon celui-là. Américain. Jason, j'arrive avec papa. Je suis américain, appelle-moi médaille. Je vais te dire un truc, Parce qu'en fait, Il est en train de rigoler tout seul, il est complètement défoncé, ce mec. J'ai démonté sa mère, je rigole à mes blagues. Je t'ai dit, on a fumé. Moi, je te sors ma bite direct, comme ça, bombe dans la narine. Et je t'écrase avec mon pied, t'es en dessous de ma cheville, mec. Direct dans la narine. Tu vas appeler les pompiers, tu vas faire ton intelligent pour une fois dans ta vie. D'accord? Je vais te boucher le nez avec mon gland. Oh, putain, il est content, lui. Il est vraiment défoncé. Je parle même pas avec un mec défoncé. Passe-moi mon fils. Je crois qu'il y a le feu à la baraque, Jason, là. Putain, oui, ça fume là-bas dans la cuisine. Décale-toi, il y a la bouteille de gaz, mais rends pas quand même. Ah ouais, putain, dans la cuisine, il y a les gaz et tout. Ah, décale-toi, prends le pio. Prends le pio sous le bras, je te dis. C'est bon, je l'ai. Prends le pio sous le bras. Je l'ai. Attends, j'ai peur que ça pète. Attends. Arrête, elle m'embarque. Ah, putain. C'est en train de brûler, passe par la fenêtre, le mort-bac. Jette le mort-bac. Jette-le par la fenêtre, le mort-bac. Jason. À la une. À la deux. À la deux. Arrête d'essayer, putain. Il a peur, mon petit frère, parce qu'on va le jeter par la fenêtre. Non, les pompiers ils arrivent là. T'inquiète pas, c'est une fenêtre tribat, et qu'une fenêtre tribat tout va, donc t'inquiète pas. Non mais toi, je vais te démonter, mec. Tu fais fumer mon fils, tu le fais boire. T'es malade, toi. Ah, est-ce que calme-toi, on est qu'un troisième pote, là. Timothée, Timothée. Ouais. Timothée. Ouais. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, sa mère, ils ont pète les couilles. Ah, vas-y, game sus. Non. Mais tu sais quoi? Mais ça, elle a la bouche fermée, alors elle parlera plus. Jason, t'as un peu violent, mon fils. Ouais, mais j'ai bu whisky, je porte pas. Jason. Oui, allô. Ma parole, tu dégages de là tout de suite, les pompiers, ils arrivent. Mais je peux pas, je vais pas laisser le petit, mes potes, comme ça. Eh ben, tu prends le petit, tu te casses de ces deux débiles, là. Mais mes potes, qu'est-ce que j'en fais? Mais t'es pas, tu les fais crever, je m'en fous, tu viens avec le petit. Il y a le feu, on est encerclés. Ah, ça fait, hey, ça fait baraque flambée, comme la banane. Mais il y aurait le feu autour de toi, espèce de trou du cul. Il y aurait pas de réseau téléphonique. Mais alors tu sors avec le petit. Mais j'ai mon portable, débile. Tu crois qu'il n'y a pas les clés? Oui, oui, c'est bon, ah, je vais défoncer sur le midi, là. Eh, hey, le réseau, il est pas sur la baraque, et sur le quartier, là. C'est pas sur moi, débile. Eh, ouais, mon gars, il est pas dans ton cul non plus, le réseau. La maison, on peut faire un chamallow. Ouais, putain, il est complètement défoncé. Jim, habille-toi. J'ai bien fait de faire des mini-fours, des petits canapés saumon, et ça fait saumon fumé, là, c'est tout brûlé. Ah, mais toi, grand frère, il va arriver, il va te démonter. À le baraque. J'imagine même pas. Attends, c'est en train de toucher la bouteille de gaz, et décale-toi, Jason, ouais, décale-toi. Décale, attends, vas-y, tranquille. Attends, cours, ouais, t'es de chaud. Décale, faut prendre le bébé, hein. Oh, Jason, écoute, bouge pas, j'arrive. Papa, il est là, j'arrive. On est là, accroché. Oh. C'est pour rien, Jason, dès qu'il répond, tu lui dis. Allô? Allô? Ouais, tiens, attends, je te passe mon mail. Jimmy, c'est un merde, toi. Attends, Jimmy. Ouais, Jimmy. Ah non, n'oublie pas! Attends, Jason. Allô? Jason! Ouais. Tu fais quoi, là? Je suis chaud. On est en feu, le baraque chaud, appelle les pompiers. Passe-moi mon fils. Dis-lui, on est à ta. On fait un enfant grillé. Dis-lui. Jason. Dis-lui, on est à ta mère, Jason. Jason, oui, maman, on est sur énergie. Pendant 2 heures, on est réunis dans Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur énergie. Maman, paniquez, on est sur énergie. On est en direct à la radio. T'es nul. Fous de ma gueule. Mais Jason, je te promets, je vais te démonter. Non, mais t'es pourri, Angélique, ok, vous inquiétez pas, hein, tout va bien, on était en direct à la radio, c'est Guillaume là, Guillaume Radio 2.0 le soir. Mais putain, vous êtes vraiment des cons, vous êtes. On a quelques petits sons pour nous aider, mais tout va bien, d'accord, Angélique. 39 ans de Houpline, hein, la maman. Oh putain, la honte, désolé, je vais te tuer. C'est sur toute la France, Angélique. Mais bon, hey, c'est bien, vous allez vous faire un beau cadeau sans le savoir, hein, Jason. Ouais, c'est gentil pour lui. Hein. Ok, et hey, vous avez vraiment cru que votre fils était en train de foutre le feu? Non, mais ouais, le feu, j'y ai pas trop cru. Je pensais que c'était un délire du Mehdi, là. Et le Mehdi est au courant de cette affaire. Parce que lui, je vais le démonter. Moi, j'en sais rien. Mais, il peut rien, ouais. Mais on me dit qu'il a bu de l'alcool, qu'il a fumé des joints. Non, mais c'est pas possible. Ah, c'est ça qui vous a fait le plus chier, quoi. Hey, mais grave. Hey, il y a le feu à la maison, c'est pas grave. Bon, hey, je vous fais un bisou, Angélique. Je vous repasse le standard, d'accord? D'accord, merci. Hey, Jason, tu pourrais lui dire que tu l'aimes à ta maman, c'est le. Ouais, maman, je t'aime. Ouais, tu m'aimes vulgairement, on va dire. Ouais, d'accord, allez, bon, bim, ça c'est fait. Allez, bisous, Angélique, au revoir. Bisous, salut. On est en direct jusqu'à minuit, comme tous les vendredis, là. 22h, minuit, comme toute la semaine, du lundi au vendredi, Guillaume Radio 2.0. Tu veux faire une dédicace, Jason, avant de partir? Ouais, bah, dédicace à Mehdi, déjà de 1. À Odeline, bah, ma chérie. Et bah, à mes parents, à mes frères, mes sœurs et tous les potes du 59. Vas-y, y'a pas de problème. Grosse dédicace à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui découvrent l'émission aussi. Peut-être pour la première fois ce soir, si vous sortez hein, jusqu'à minuit, là c'est Guillaume Radio 2.0 avec le clash de la semaine. On sera Ken Jones. Tout à l'heure sur Énergie. Bon vendredi, bon week-end, Jason, en tout cas. Merci beaucoup hein, du coup de fil. Ouais, merci. Salut, mec. Hey. Salut. Hey. Salut. On est en direct jusqu'à minuit, tout le monde. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call? Va le faire pendant 2 heures sans s'arrêter de 22h à minuit. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Sur Énergie, bonne soirée les mecs. Hein. C'est hyper nombreux à nous appeler les mecs. On va parler un petit peu de sexe avant la fin de l'émission. Si vous venez délire avec nous, avec plaisir. On offre le deuxième, deuxième PS4 là. Juste, j'avais pris un deuxième numéro dans le logiciel. Le chiffre c'était 59. Et alors, qu'est-ce que c'est 59? Alors, c'est ça, c'est hallucinant. Ouais. Ensuite, on se fait jeu des hôtels avant la fin de l'émission, avant minuit hein, d'ailleurs. Si vous le sortez ce soir, bon courage à vous. Vous êtes peut-être en voiture entre potes. Allô, bonsoir à toi. Ouais, salut. Ça va, c'est Guillaume d'Énergie. Salut. C'est qui, papa? C'est pas possible. Nah, si. Tout à l'heure, il y avait le premier qui a gagné, c'était Lucas de Guingamp, 14 ans. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton blaze? Fabien. Fabien, de où? De Clermont-Ferrand, mais je suis sur la route. Vas-y, je suis à Paris. T'as quel âge, Fabien? Je suis d'homme, ouais. J'ai 34 ans. 34 ans. Vas-y, enchanté. Non, mais j'en reviens pas. Enchanté, man. Mais oui, ça marche. T'as vu que ça marche. Bien joué. T'avais envoyé le bon chiffre tout à l'heure. C'est le juste prix. On avait dit tous ceux qui envoyaient un bon chiffre. C'était 59 le chiffre. Ouais. Merci les gars. Eh, c'est trop énorme les gars, fais-lui une soufflette. Putain, tu t'es fait battre. Salut les gars, Elad, ça va être bon ça. Énorme le clash. Putain, t'es trop fort mec, balance-lui. Vas-y, 28, bande de bâtards, énorme. Salut, énorme le clash. Merci les mecs. En tout cas, énorme pour Fabien qui est là. Ouais. Oh putain, j'en tremble de partout là, je suis obligé de m'arrêter dessus toi. C'est vrai. Ah ouais, je crois pas. T'es routier toi Fabien? Ouais, routier, c'est sur la route de nuit, ouais. Eh ben salut à tous les routards, hein. Courage à vous les mecs. Bon courage à vous tous les gars là. Putain, merci hein. De rien, tu rigoles ou quoi? Merci beaucoup. Vous avez assuré les gars. Tu rigoles ou quoi? J'en reviens pas. C'est normal hein. Tu veux écoute la PS4, je te l'envoie demain matin. À moins que tu préfères la tablette Samsung Galaxy Tab E. C'est toi qui choisis. Maintenant il faut un gros masque, tu vois, je suis perdu. Non. C'est toi qui fais le choix. Non, attends, moi j'ai les deux cadeaux, ça me change pas. C'est vendredi. Hein. C'est moi, s'il me faut un truc qui te fasse plaisir. Réfléchis deux secondes, pose-toi. Ouais. Je t'en passe Julia. Ouais. Julia, discute avec toi. Reviens pas. Ça fait combien de temps que tu connais l'émission, toi? Mais moi je vous écoute depuis ça fait 8 ans, je trouve, de nuit, ça fait 6 ans je vous écoute. Ouais, depuis qu'on a 5 ans et demi. Merci beaucoup. Ouais, 5 ans et demi, ouais, tu vois. Putain, c'est ouf. Hein. Ah ouais. On se connaît quelque part. La famille quoi. Ouais, mais j'ai jamais osé appeler, tu vois. C'est vrai? Ouais. Bah nous on t'appelle alors. T'avais jamais envoyé un message pour passer à l'antenne ou quoi? J'avais envoyé des messages pour les jeux tout le temps, mais jamais j'ai appelé. Ah oui, pour les jeux, mais jamais pour réagir ou quoi? Eh non. Ouais, c'est marrant. Hein. Alors que vous êtes là depuis 5 ans quoi. C'est ouf, hein? Putain. Du coup, ma voix était familière un petit peu, vu qu'on est dans le camion le soir. Ah ouais, c'est comme si t'étais mon pote. Et tu réponds à ma femme sur Facebook en plus, tu vois. Ah bah je réponds, alors c'est pas compliqué. À tout le monde. Non mais alors c'est pas à ta femme, je réponds à tout le monde qui m'écrit. Ouais. Sur Facebook. Putain, c'est cool. Alors venez pas m'engueuler si j'ai oublié. Parfois ça m'arrive, on est déjà monté à 27 ou 30 000 messages dans la journée. Donc venez pas m'engueuler si j'ai pas. Il y en a beaucoup. Répondu à un long message ou un truc comme ça, mais j'essaye de répondre à tout le monde, je lis tous les messages. Ah mais c'est cool, elle était super contente. Ah bah, merci. Ah écoute, c'est normal, avec plaisir. Ouais. Voilà, sur la page Facebook. On est combien JM du standard sur Facebook d'ailleurs? 1 953 871. Voilà, et on arrive, ça y est, et dans 46 000, on est 2 millions les. C'est énorme, c'est bientôt. Putain, c'est énorme quoi. Franchement, c'est énorme. Voilà. Si jamais, alors attends, je note. Hein, je regarde là sur Twitter, on est combien? On est 474 401 Guillaume. Putain, il est bon là. Ah, il est précis. Sur Twitter, venez liker les gars, venez follow. Hein, Guillaume Play, PLEY sur Facebook aussi. On se retrouve en mars les gars. Et puis sur Instagram aussi. Sur Instagram, on est combien? Hein, Guillaume, 581 730. Ah voilà. Guillaume Play, venez nous liker sur Instagram. Je vous mets toutes les photos les mecs. Ouais. Elles sont énormes en plus les photos qu'on poste là. Guillaume Play, PLEY. T'as dit combien Guillaume Zanda sur Instagram? Instagram 581 730. Eh ben 730 tu dis. Attention. Non, on est 580 684. Ah ben moi je suis. Il en a rajouté. Non, c'est vrai, ouais. Alors j'ai peut-être pas rafraîchi. Ah oui, t'as raison, je n'ai pas rafraîchi. Ah j'ai rafraîchi Guillaume. Pour une fois. Sur notre chaîne YouTube on est combien? 1 700 000. Putain, il est bon. Ouais. Et franchement, c'est il est ouf, bon. C'est pas vrai, en plus, on n'est pas 1 461 700. Ah le bluff. On est quasiment 1,5 million. La précision. Eh, c'est un vrai kiff absolu les mecs. Ouais. Nous vraiment, c'est vraiment. On était 3000 abonnés il y a 4 ans. Je me rappelle. Même sur Facebook. C'est vraiment dingue. Hein. Merci mon Fabien en tout cas. Franchement, ça me fait plaisir. Merci à toi. Je peux te passer une petite dédicace. Il y a un collègue qui vient de me reconnaître là. Allez, bonne soirée à toi mon Fabien. Salut Fabien. Ouais, bonne soirée. Je peux faire une petite dédicace. Merci d'avoir appelé mon Fabien. Je t'en passe Julien au standard, d'accord? Bravo encore. Cool. Bon courage. Ah, je rigole. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Oh là là. Ah oula, t'as des appels mon Fabien là. J'entends des dingues. Ouais, j'ai un collègue qui m'a reconnu. Ah putain. Je peux passer une dédicace. Vas-y bien sûr, on t'écoute. Alors dédicace à Thierry des Jean-Michel Leblanc. Eh ben y a pas de problème. Ouais, bon salut. Courage à tous. Vas-y avec plaisir man. Merci beaucoup en et tout cas. Et grosse dédicace à vous les gars. Vas-y y a pas de problème. Merci, frérot. Merci. Et surtout bon courage. T'as t'es marié du coup Fabien? Ah ouais, ta femme. Ouais, deux enfants. Ouais. Ah ouais, putain bien. Deux enfants. Petite dédicace. Ouais. Comment ils s'appellent? Evan et Julian. Eh ben, vas-y, hein. Attends, bon. Ils ont quel âge? Merci. Eh ben, le grand, il va avoir 5 ans et demi, et donc il a 6 ans au mois de mars l'année prochaine. Putain. Et le dernier, il est né du mois de janvier. Ah ouais, putain. 2016, quoi. Ah ouais. Putain, la chance. Ouais. Avec la même femme? Avec la même femme, ouais. Comment il s'appelle ta femme? Virginie. Eh ben, bon courage. Eh ben, gros bisous à Virginie. Salut Virginie. Ouais. Et en couple, ça se passe comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 8 ans. Putain, 8 ans cette année, 8 ans cette année, ouais. Ah ouais, putain, bravo. Hein. Oh là là. Le bonheur. Ah ouais. Vous avez une petite passion à deux? Vous avez un truc que vous kiffez faire? Tu peux dire à ton pote. Allez, passez la dédicace. Les enfants. Attends, Attends, il me reste 50 secondes. Et comment il s'appelle ton pote qui t'a envoyé un SMS là? Thierry. Il s'appelle Thierry. Et Thierry, et balance lui 3-4 SMS que ça fasse ça. Eh mon Thierry, si t'arrives à envoyer une rafale de SMS avant 40 secondes la pub, je t'offre un cadeau, mon Thierry. Oula, la pression. Alors attends, vas-y. Allez, j'offre un cadeau non seulement à Fabien qui est. Allez, vas-y Thierry, envoie un SMS. Lâche tout Thierry, fais-nous rêver. Avant la pub, avant la pub. Attends. Et là, j'ai envoyé un déjà, ça y est, merci. Non, merci monsieur Kim. Non, il faut que j'entende la sonnerie. Faut que j'entende la sonnerie. Voilà, il faut que j'entende la série. On gagne rien chez toi, balance la tablette morte de rire. Au routier de la night officielle de la fusée des transports des Noirs. Et ben, bon courage, les mecs. Salut. 1, 2, 3, 4, il m'envoie 4 messages, là. On n'entend pas bien. Ah oui, la sonnerie. T'as enlevé la sonnerie? Ouais, j'ai coupé la sonnerie. Ah, voilà un autre. Vas-y, envoie Thierry. Il reste 8 secondes, mon Titi. Allez, Thierry. Envoie des SMS. Encore, ça y est. Encore, il met n'importe quoi. Mais ça coupe les SMS. Envoyez vos SMS à Guillaume au 612, code Guillaume au début du message. Énergie. Énergie. On ne prend rien au sérieux. Anything seriously. Sauf vos hits préférés. Énergie. Numéro 1 sur les hip-hop R&B Dance. Le samedi, 10h midi, c'est le Hit Energy, le classement de vos 30 hits les plus joués cette semaine sur Energy. Vos 30 hits préférés avec Jerem et Khalid. Le Hit Energy. Numéro 1 le week-end dernier. Qui sera numéro 1 cette semaine? Numéro 1. Rendez-vous samedi, 10h midi, sur Energy. Va le faire pendant 2 heures, sans s'arrêter. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Energy. Allez, à l'antenne de retour. J'ai perdu la foi, je suis le chasseur, t'es la foi. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu. On sera Sia. On sera Alex Ayona. Mais c'est le regard jamais. On sera Boosty. Le nouveau Kenji. Et on se fera tout à l'heure aussi à minuit Bill, hein. Tout à l'heure il y aura Tiesto qui prendra l'antenne comme chaque vendredi soir à minuit. Alors juste c'est hyper nombreux, on a passé des petits coups de fil les frérots. Juste 59 c'était le message. Attends, ça, pourquoi ça a coupé là? Attends, on a même pas dit au revoir à notre copain qui a filé la PS4. Il y a eu la pub, attends, on va la rappeler Fabien, il y a eu un petit bug au standard là. Attends. Allô. Ouais mon Fabien, on t'a pas fait un bisou mon cher. Si on a dû couper parce qu'il y avait la pub hein, frérot. Ouais j'ai vu, ouais. Eh, juste pour, et pourquoi 59 le chiffre que t'as envoyé hein, qui était le chiffre du juste prix, c'est le nombre de bouteilles de vin bu par français en moyenne tous les ans. C'est 59 bouteilles, je trouve ça énorme. C'est beaucoup. Ouais. 300. Il y a 52 semaines. Il y a 52 semaines. C'est une bouteille 3 par semaine par personne. Mais qui boivent beaucoup quand même. Hein. Moi, je bois pas une bouteille 3 par personne. Il y a des périodes. Les anniversaires. Non, même par période, je bois. Si. Non. 59 bouteilles. Il y a des régions, ça boit beaucoup. Il y en a qui boivent pour toi. Hein. Ah ouais. Merci. Il a totalement raison. Jim, ouais. Tu bois combien de bouteilles par an en moyenne? Franchement, non, ouais. Peut-être pas 59, mais de vin, ouais, peut-être une trentaine. Ah ouais. Ouais, peut-être. Ouais, une petite trentaine. Ouais, la moitié de la moyenne. Ouais, voilà. Ah. Ouais. 30 pas, bouteilles de vin. Je suis pas trop vin, enfin. Moi, j'aime bien. Plutôt ouais. Pastis, moi. Ah, le cliché. Ouais, c'est vrai, véridique. Ouais. C'est ce que je bois à l'apéro. Que ça. C'est vrai, ouais. Que ça. Ah, que du pastis. Que du pastis. Ouais. C'est vrai. Même en soirée. Non, mais un bon verre de vin rouge à table. Mais de là à boire 59 bouteilles par an. Mais à Noël. Attends, Flo des cadeaux. Alors, Flo des cadeaux, c'est un trou, ça se voit. Il a la tête du trou. Il a la tête du trou. Boit de la bière. Non, mais j'aime bien le bon vin. J'aime bien le bon vin et c'est vrai qu'une bouteille ça va vite donc ouais je pense que je suis à une quarantaine de bouteilles par an. Mais comment tu le sais, tu calcules pas? Si, non, mais à peu près. Près ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est un nouveau haut que t'as acheté non? Non, il est vieux. Ah ça se voit. Ça se voit. Ah mais t'as de merde. On était presque à la fin de l'émission, dommage. Et d'ailleurs, j'ai pas compris. Bah j'ai failli traverser toute l'émission sans que tu me fasses de remarques. Ah c'est vrai, c'est vrai. Mais non, attends. Non mais en même temps si tu veux pas de remarques, mais pas ça. Semi-café froid. Non attendez, juste en deux secondes, vraiment avant de terminer, juste j'ai besoin de vous. J'ai besoin de mecs qui viennent faire une vidéo avec moi qui passera à la radio pour le son, sur YouTube, peut-être à la télé, sûrement d'ailleurs. Une vidéo qu'on va faire. On fait souvent des parodies, des clips, des conneries, etc. Ça va être une des plus grosses vidéos. On va faire ça dimanche à 20h sur Paris. J'ai besoin de mecs pour jouer avec moi dedans, pour rigoler avec moi. Je peux pas dire ce que c'est parce que c'est une surprise, sinon je vais cramer le truc. Mmh. On avait fait un clip, on avait refait Walking Dead in Paris. Ouais, Walking Dead dans Paris, c'est énorme. Walking Dead in Paris. Vous êtes 2 millions à l'avoir vu d'ailleurs sur YouTube cette vidéo. Attends, grave. C'est énorme. Merci. C'est ouf, c'est un truc de ouf. Tu l'as vu le court-métrage ou pas d'ailleurs, Eddie? Non. Ah, oh, t'es un bâtard. Faut le voir. Ah ouais. T'es vraiment une petite pute. Putain. J'étais étudiant encore jusqu'en juin, donc j'ai beaucoup travaillé. Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as pas d'excuses. Tu m'as pris pour ton grand-père ou quoi, me parler comme ça? Tu crois que je sais pas qu'on attend qu'on est étudiant? Arrête. Mais quand t'es aux toilettes? Non, pas quand c'est une école qui demande beaucoup de travail. Non. Ah, bah tu manges bien. T'as une voix de branleur. Ouais. Bah, tu crois qu'on l'a pas vu? Non, je plaisante. Non, je plaisante. Par contre, et là, j'étais un peu en train de m'enfuir. T'as même pas vu notre court-métrage, putain. J'espère que tu l'as vu d'ailleurs, Fabien, toi. Ah oui. Ah, oui, merci. Et bah, toi, t'es un vrai. Je me rattraperai ce soir. Et bah, toi, t'es un vrai, l'autre, c'est un faux. C'est un fake. Ah, l'autre, c'est une contrefaçon, Eddie. Je suis avec vous au téléphone à attendre à vous écouter. L'autre, c'est un bâtard. Je dis, l'autre, c'est un bâtard. Julien, je t'aimais bien, bah, à partir de ce soir, je t'aime plus trop. J'ai envoyé des messages débiles. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Ah non, j'ai cru que c'était toi qui avais fait la réflexion de moi, j'étais un bâtard. Ah non, c'est moi, j'ai fait la réflexion. C'est toi, d'accord. Ça veut dire qu'il a la même voix. Salut Guillaume, salut tout le monde. Salut. Il se moque de moi. Salut Guillaume. Le foot aussi, pas le foot. Salut Guillaume, zéro pour payer. Attends, je parle pas comme ça. Très bien. Arrête. Attends, je peux te faire Guillaume du standard. Ah vas-y. Fais une blague. Oh, franchement Guillaume. Non, c'est Patrick Sébastien. Franchement, je fais ton Elisabeth. Guillaume, j'ai une blague. Ouais. Franchement, j'ai une blague. J'ai une blague, mais bon, elle est pas très bien. Guillaume, ça essaye d'imiter GSG. Oh putain, attention. Ouais, le 44, là, l'heure atlantique. Non, j'ai pas une voix de canard comme ça. N'importe quoi. Non, c'est méchant. Bon, en tout cas, j'en étais là à vous dire que dimanche, j'ai besoin de figurants pour jouer avec nous dans une vidéo. Il faut juste être majeur parce que vous comprendrez pourquoi. C'est pas du tout que ça a rapport avec le cul. Il y a rien du tout. Pas du tout. Absolument rien. C'est hyper chic et tout ça. Donc, j'ai besoin de vous. Si vous voulez venir dans la vidéo avec nous, vous m'envoyez un email. guillaume@energie.com. Ouais. Vous pouvez venir même avec les parents si vous n'avez pas de voiture. Ok. Avec la famille, avec les frérots. Vous vous verrez à la télé, vous verrez sur YouTube, vous vous entendrez à la radio. On va faire une petite connerie là. Voilà, dimanche à 20h. Et si vous avez pas de portable pour m'envoyer un mail là, vous avez un portable pour au moins pour m'envoyer un texto. Donc vous envoyez Guillaume un espace et vidéo avec votre numéro de téléphone au 612. Guillaume un espace avec votre numéro de téléphone au 612. Mec, c'est ouf, il y a Joe Lopez qui était condamné à 20 ans de prison pour violence. Non, c'est connerie ça. Ouais, non, je pense. Pas 20 ans. C'est quoi? Il était condamné. Il a pris 3 ans ferme. Ah, comment? Ah ouais. Ah merde. Ouais. Ah ouais putain la vache. Il a tiré sur des commerces avec une arme donc il a pris de la prison. Ah ouais, Salih Lopez rattrapé par la justice. Ah ouais putain ouais c'est vrai, il y a 5 heures. Pas tiré sur les gens Ah ouais, coup de feu Clermont-Ferrand. Ah ouais putain la vache. Ah merde, c'est moyen quoi. Oh ah ouais mais il rigole pas. Il était déjà en prison. Ouais. Là, c'était le moi j'étais mort. Ouais, c'est ouais, c'était celui qui avait le chef. On avait fait d'ailleurs une parodie d'eux là. Ouais, vous étiez plus d'un 2 millions à la voir, c'est cette connerie. Ouais. Mec, c'est ouf, salut. Bah, je savais pas. Bah, je vous fais un gros bisou. Eddie, raconte-nous ton histoire en une minute. Le pauvre. On a passé la soirée. T'as même pas raconté. Ça fait 1h24, voilà, sur mon compteur côté là. Exactement. Alors, non, en version courte, il faut quand même que la personne soit vraiment amoureuse et que l'autre soit assez romantique. Donc t'as la version classique, qui coûte vraiment pas cher, c'est t'achètes plein de pétales de rose, des faux pétales de rose, mais qui ressemblent bien quand même, et t'en étales partout dans l'appartement avec des bougies, et t'attends la personne quand elle rentre. Et en général, ça fait craquer quand même les minettes, ça fait son petit effet. Bon, on passe rapidement au lit, mais ça marche bien. En plus, ça coûte rien. Ouais, c'est vrai. Après, ça va, si t'as pas dépensé une thune, tu peux au moins prendre 10 minutes de ton temps pour l'installer, pour l'enlever, quoi. Ouais, bravo, c'est vrai. Phrase. Ouais. Et il y a un truc encore plus simple, t'achètes juste un vase ou une boîte, et à l'intérieur, tu mets plein de mots, alors tu choisis. Tu mets ta bite, ça peut être 100 000. Et en fait, tu mets, donc je sais pas, ça fait un an que t'es avec la personne, tu mets 365 papiers, et sur chaque papier, tu mets une raison de pourquoi t'aimes la personne. Ah, ça, il faut avoir gelé. Cotine, elle peut tirer. Et... Oui, bah t'en avances, ça va. Tu dis qu'elle est belle, qu'elle a de beaux yeux, qu'elle a envie d'entendre, elle sera contente. Ouais, d'accord. Voilà. Mais donc ça coûte pas cher et ça marche bien en général. Voilà. Ok. Petit truc. Faut être inspiré, mais. Julia, t'as déjà fait une petite surprise en couple, un petit peu mignonne, qui coûte pas trop cher. C'est pas vraiment mignon. Moi, j'aime les sensations fortes. Et donc je lui ai offert un saut à l'élastique en fait. D'accord. Voilà. Et donc moi, j'adore. Je trouve que c'est mieux d'avoir des souvenirs que des objets. Donc on a fait un saut à l'élastique et ça coûtait 55€, voilà. Ah d'accord, ok, ouais. C'est pas cher. Le saut à l'élastique, tu l'as fait avec elle? Je l'ai fait moi-même. Ah. Et elle me l'a offert en fait. Ah, c'est elle qui te l'a fait. Ouais. D'accord, parce que tu dis je préfère faire. En fait, c'est toi, tu préfères. Oui, c'est ça. En fait, c'est elle qui a été un peu. Parce qu'elle est en couple avec une femme en ce moment. Ouais. Ça change, c'est elle sait que j'aime les sensations fortes, donc elle m'a offert ça, quoi. D'accord, ok, ouais. Bah, ouais. T'aimes quoi, j'ai pas compris. Les sensations fortes. D'accord, ok. Dire. Mais ce qui serait mieux, c'est que si tu veux des sensations fortes, faut aller chercher le chat de Sacha. Ah, attention. Parce que bon, avoir une vraie sensation forte, c'est vraiment. Il faut que tu attrapes par le cul le chat de Sacha chez Sacha. Faut aller chercher quoi? Julia. Le chat de Sacha chez Serge. Merci beaucoup. Ah, oui. Faut les cadeaux, toi. Eh ben, je vais chercher non, le chat. Non, mais pas ça. Ah, il était sûr. Voilà. Une journée de soins en thalasso, en fait, je lui avais payé. D'accord. Avec un peignoir. Ouais. En thalasso. Eh ben, elle était hyper contente toute la journée. Elle s'est fait avec masser avec des soins et tout. Et elle est ressortie de là. Elle était hyper contente. Oui, ça coûte cher, ça, non? Non, c'était 50€. Ah, ouais, c'est vrai, ouais. Une journée de soins, c'est quoi la gueule des soins? C'est quoi les soins? C'est dans un bain de boue. Ah, ouais, grave. Non, c'est cher, ça. Bah, écoute, elle était hyper contente. Ah, bah, il en faut peu pour être heureux. Non, mais elle a raison. Non, mais en plus, c'est pas une vanne, elle a raison. C'est hyper bien. Il y a beaucoup de filles qui aiment bien. Bah ouais. Ah oui, les soins. Aussi, j'aime bien les soins. Bah, c'est pour ça. Non, mais je sais pas. Il avait raconté à la radio, j'avais fait un massage au pierre chaude. C'est pas trop bien. Déjà, c'est vraiment la michto de la rage. Non, mais c'est trop bien. Il est prêt à tout pour passer à l'antenne. C'est grave. T'es une pute à buzz. Je suis pas une michto. T'es quoi? T'es une pute à buzz. T'as dit que j'étais une pute? On va régler ça après alors. Un flot de cadeaux. On va régler ça après. Les cadeaux viennent de sortir les grands mots. Attention. C'est ça, c'est pas une pute à clic? Parce qu'il y a des putes à clic sur internet. Je suis pas une pute tout simplement. Mais c'est vrai que Stagiaire, il cherche le bateau. Ah ouais. Non, mais les massages, le hammam. Il tend le gosse dans un. C'est vrai que c'est bien. Bon, on va vous laisser avec Tiesto parce qu'on en barre après 5 là. Mais ouais. Et en tout cas, attends juste en 2 secondes, Julien qui est là de Valenciennes. Putain, ça fait longtemps qu'il est, on a un bug au standard. Ah ouais. Tu m'entends, Julien, en standard? Oui, je t'entends. Oui. Ça va, mon Juju? Salut, t'entends. Ça va. Enchanté, Juju. Et je te fais une belle entrée. Impeccable. Pour la peine parce que t'as attendu alors. Si t'aimes le sensation forte, Julia teste le Sibian. Qu'est-ce que c'est le Sibian? S-Y-B-I-N. S-Y-B-I-N. Voilà, on va aller voir ce que c'est là. Bon, tu fais quoi dans la vie, Julia? Ah, c'est quoi, j'ai besoin? Des sextoys. Merci. Ah, thank God. Ouais. Merci beaucoup. J'ai déjà testé en plus. Donc alors, mon Julia, qu'est-ce qui t'arrive, Valenciennes? On parlera des sextoys de Julia après. C'est tombé dans l'oreille d'un animateur. C'est tombé dans l'oreille d'un animateur. Alors, vas-y, raconte, mon Julia. Bah en fait j'ai demandé ma femme au mariage. Ouais. Et j'ai acheté en fait une robe, un bouquet de fleurs, donc une bague. Ouais. Et après j'étais dans une boulangerie pour acheter un gâteau et sur le gâteau en fait j'ai demandé pour que en fait comment vous expliquer ça? Bah veux-tu m'épouser quoi? Ouais, t'as marqué veux-tu m'épouser sur le gâteau? Ah sur le ouais, sucre, voilà. Ouais. Putain chambé quoi. Ah ouais. T'es un peu stressé de la première fois que je suis à la radio. Non, attends, la cool frérot, la cool. Putain c'est énorme, bravo en tout cas. Ah, c'est original. Ouais, c'est énorme ça. Enfin on découvre. Ouais, et donc ça s'est fini comment du coup alors? Elle t'a dit oui? Ah oui, elle m'a dit oui tout de suite. C'est vrai. Ah, c'était quoi comme gâteau? Un fraisier? Non, non, c'est pas un fraisier, c'est un... Ça t'a marqué? J'ai envie de dire en même temps, on s'en bat les couilles. Ouais, le principal, c'est qu'elle ait dit oui. Grave. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est une bonne idée de marquer sur un gâteau. Ouais, c'est mignon, ouais. Fais-nous des cadeaux, un truc un peu romantique que t'es fait en couple. Un truc romantique, j'avais acheté, je sais pas combien de post-it, et j'avais retrouvert toute la chambre de post-it avec des cœurs. Ah, c'est mignon. Donc t'as fait des cœurs à chaque fois. Tout était rempli. Oh là là. Il en perd ses mots. Je me rappelle que j'avais galéré sur Il y avait vraiment du. Même mon pull, j'avais caché. Il aurait dû. Du canard. Attends, non, mais ça c'est mignon. Ça c'est. On est tous des canards des fois. C'est vrai que ça coûte rien. J'avais vu ça dans une pub et j'avais trouvé ça stylé. Et quand tu dis vraiment toute la pièce. Ah ouais, tout. J'avais galéré. Je faisais des cœurs sur tous les post-it. C'était il y a longtemps ça, ouais. C'était il y a. Ouais, il y a 6-7 ans. Ah ouais, c'était encore avec Alicia. Ouais, c'est ça. Ah putain, Alicia, elle était in love. Ah ouais. C'est l'amour fou que tu retrouveras jamais. C'est le premier amour. À part le. Non, mais c'est vrai. Le premier amour, il est plus fort que les autres. Ouais. Là, même si on aime très fort quelqu'un, après on est quand même moins fort, quoi. On y croit au premier amour un peu, hein. Et oui, et puis après on est déçu. Ah ouais, c'est ça. Et après t'as lâché comme une merde. Je me suis fait lâcher comme une merde aussi. En général, ah, mais quand on est trop in love, après on se prend une rousse. Ouais, c'est tout le monde. C'est l'amour. Ouais, je vais te dire, tu t'es bien fait enculer. Non, personne ne m'a enculé. Ça peut jamais arriver. Non, le premier amour, pour moi, c'est par une fille vraiment. C'est pas un bon souvenir, le premier amour, moi. Ah, c'est vrai. C'était une libération quand elle est partie, donc. Ah ouais. Après, il y a des filles. Mais glauque d'un elle t'a traumatisé ou pas? Elle t'a fait mal au cul. Merde, faut qu'on laisse ses sauts, j'ai oublié. Ah ouais, ah ouais, ça, ouais. On est plus jusqu'à une heure maintenant. Ah non. Bon. Heureusement que tu l'as pas fait sur une coquille de Saint-Jacques. J'ai pas compris, Julien. Non, j'ai heureusement que tu l'as pas fait sur une coquille de Saint-Jacques, la demande. Ah, ouais. Ah bah j'aurais pu. Juste dire, a fait son petit repas romantique avec une coquille Saint-Jacques qu'il a acheté à Pierre. Et découvert en plastique. Et découvert en plastique. Mais attention, il y avait du champagne, du vrai. Ah. Il est hyper fier. Il a 31 ans, il est hyper fier d'acheter une bouteille. Non. Il est hyper content d'acheter une bouteille. Non, mais c'est très bien. Les moyens. Non, c'est très. Mais non, mais t'as l'impression qu'il a fait un effort surnaturel, quoi. C'est un effort quand même. Hier, mon prof n'était pas là. On est allé en permanence au moment de l'appel. Il y avait des gens qui s'appelaient Cheval Anglais, Montagne Blanc et tout. On s'est marré pendant toute la journée. Salut, man. Bon, bah, je vous embrasse, les frérots. Salut, 4ème 5 du collège de Grésivaudan. J'appelle Gabriel, je viens du 38. Et bah, gros bisous, les chiens. Merci, Eddy. Merci, Julien. Merci, les mecs. Salut. Ouais, merci. Et bah, c'est nous. C'est tout le plaisir était pour nous, vraiment. C'est dimanche. Ça m'a fait très plaisir, chien. Ah bah, dimanche, voilà. Donc, s'il y en a qui veulent venir, dimanche, 20h, on fait une énorme vidéo. J'ai besoin de vous, pour jouer avec nous dedans. guillaume@energie.com. Tiesto est prête. Je dis très. Tiesto, quoi, elle a une perruque ou non, parce qu'elle s'appelle Tiffany. Qui va envoyer. Tu m'entends, Tiffany, dans le micro ou pas? Mais bien sûr que je t'entends. Ah oui, Tiesto. T'as déjà fait un truc romantique ou pas, toi, Tiffany? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai offert 25 cadeaux pour les 25 ans de mon ex. Ah, c'est 25 petits cadeaux et tout. C'était pas des gros, genre gros un cadeaux. Euro, les cadeaux. Non, mais ça, bah, non, quand même un peu plus. Attends, je pars un peu comme toi, moi. Elle m'a clashé, j'ai rien demandé. Non, c'était quoi comme cadeau, par exemple? Ah, je m'en souviens plus. Franchement, c'était des petites conneries. Et en fait, j'avais fait plein de petites conneries et un gros cadeau. Mais sincèrement, je sais plus, c'était il y a 6-7 ans à peu près. Mon ex m'avait fait ça pour sapin de Noël. Ouais. Elle m'avait mis 25 cadeaux sous le sapin et j'en ouvrais un par jour. C'est au lieu de faire un calendrier d'avant. Ça, c'est un bon truc. Voilà, j'attendais la fin pour le dire. Bravo. La cerise sur le gâteau. Bonne nuit, Jules Sagier. Bonne nuit, Guillaume. Bon week-end. Bon match du PSG. Salut, merci, c'est gentil. Merci. Bon week-end, Guillaume. Bon week-end, Julia. Salut, Guillaume. Bon week-end, Flo des cadeaux. Bonne nuit, Guillaume. Les potos sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, on se retrouve. Guillaume Play, PLEY. N'hésitez pas à nous écrire en privé n'importe où si vous voulez venir dans notre vidéo dimanche. Sinon, par SMS, là, Guillaume et vidéo avec votre numéro 612. Gros bisous. Et puis bon week-end, Tiffany, du coup aussi. Et bah, bon week-end, les copains. Gros bisous et du coup bah à lundi 22h. Bisous tout le monde. J'ai pas de raccro, donc tu peux envoyer. J'attendais, je peux y aller. Attends. On se regarde Attends, je me demandais comment fallait faire. Allez, je mets mon petit jingle pour accrocher tous les pays parce qu'on est en direct en Belgique, en Suisse et en Belgique, et Suisse et France. Voilà, gros bisous les chéris et à lundi. Ciao tout le monde. Bon week-end à vous. Kiffez bien. Énergie Extravadance. Extravadance démarre maintenant. Avec Kevin. Tous les week-ends, l'émission numéro 1 sur la fête, c'est Energy Extravagance. Bienvenue, je m'appelle Kevin, je suis avec vous jusqu'à 4h du mat. Et on va se faire plaisir, à côté platine. Tout à l'heure, il y aura Tiesto, ça c'est à 2h. Et puis avant ça, pour entamer, comme tous les vendredis, Jepsar s'installe. Alors Jepsar qui sera pour 2h au platine aujourd'hui. Et on va commencer plutôt fort avec DJ Snake et Skrillex, le Sahara, qui est extrait de l'album de Snake d'ailleurs. L'album qui s'appelle Encore. Alors, petit conseil, si vous n'avez pas encore entendu l'album, il faut que vous ayez fait une petite session de rattrapage parce que c'est une tuerie cet album. Hazard, on aura ça aussi. Et puis le Thierry Remix de Damso avec Débrouillard. Jepsar Mix Extravagance, ça commence maintenant, c'est sur Energy. Bienvenue, bon vendredi. Hey yo, Jepsar! Oh, Jaypsar. Jaypsar. Dans Energy Extravagance. I'm the definition of half man, half drugs. As the clubs, bad boy, that's what's up. After bucks, crush crews after us. No games, we ain't laughing much. Nothing but big things. Check the hit list, how we twist shit. What changed but the name? We still here, you're rocking with the best. Don't worry if I write rhymes, I write checks. Who's the boss? Dudes is lost. Don't think cause I'm iced out, I'ma cool off. Who else but me? And if you don't feel me, that means you can't touch me. It's ugly, trust me. Get it right, dog, we ain't never left. We just move in silence and rep to the death. It's official, I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues. We ain't don't win, no win. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Come on. Not everybody jacked. Come on.